Jean? Ah, vous êtes là. Eh oui, j'attendais que tu rentres. Non, écoutez, je vous ai dit 100 fois de ne pas me tutoyer. Ah, hein? C'est frais. J'oublie toujours que fou, c'est pas toi. Eh bien, tâchez de vous en souvenir. Ah oui, bien sûr, mais c'est très difficile, le français. Oui, mais si vous voulez l'apprendre, il faut faire un petit effort. Ah hein? Oui, ça, tu as raison. Hein? Oui, oui, bon, bon. Mon mari n'est pas là. Ah non, je n'ai pas vu Herr Doktor. Non, et appelez-le monsieur. Ah hein? Oui, ça c'est juste aussi, Frau Doktor. Et moi, madame? Ah oui, ça c'est juste aussi. Enfin, en dehors de toi et moi, ici, y a personne. Bon, eh bien merci. Mais alors, justement, ça tombe bien que tu es là parce que je voulais te demander. Vous demander. Vous. Ça c'est juste aussi. Oui, alors vous demander. Comme c'est déjà moins 5, je dois avoir. Eh bien écoutez tout à l'heure, hein. Ah, alors après ton téléphone, je pourrais. Voilà. Ah bon, alors tant mieux. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? J'attends que tu as fini. Mais non, non, non, allez ailleurs. Je ne peux pas rester là? Non. Alors je m'en fais? Voilà. Mais tu m'appelleras? Mais oui. Ah bon? Oui. Alors comme ça, c'est fou. Allô, le Sir Klossmann? Oui, c'est Madame Bellman à l'appareil. Pourriez-vous me dire si mon mari est parti depuis longtemps? Comment? Il n'est pas venu depuis 5 semaines. Non, mais vous êtes sûre? Ah bon, non, non, rien, merci. Merci, oui. Ah, c'est encore vous? Eh oui, comme je ne t'entendais plus parler, je reviens. Ah oui, pourquoi? Est-ce qu'ils mangeront là? Qui? Frau Doktor et le mari? Enfin, Herr Doktor et toi? Enfin, fouteux, quoi? Eh bien, tu le sauras quand le docteur... Enfin, je veux dire, quand monsieur rentrera. Ah, bon. Alors, si tu retéléphones encore, je retourne écouter derrière la porte quand tu as fini. C'est ça, c'est ça. Non, non, non, je sonnerai. Ah, mais alors, si tu sonnes, je dois aller dans la küche. Comment? Je dis « zonette dans küche », donc « wizy ». Ah oui, ça je sais, oui. Alors j'attends là-bas. Voilà, c'est ça, attends, attendez, attendez là-bas. Hein? Ah oui, mais il faut laisser à moi le temps d'aller dans küche, sans ça j'entendrai pas « zonette ». Mais oui, oui. Ah hein? Bon, alors comme ça, si j'entendais « zoner », ça va bien. Bien, bien, bien. Allô, allô, le club Courcelles? Oui, je voudrais la salle de poker, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, je voudrais parler à monsieur Bellman. Comment? Vous ne l'avez pas vu depuis 2 mois? Ah bon? Non, non, non, rien, merci. Merci. Voilà. Chérie. Ah, c'est toi? Bah, évidemment, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Ça t'étonne? Non, non, pas du tout. Tu as attendu quelqu'un d'autre? Non, non, je t'attendais, toi. Avec impatience, j'espère. Mais bien sûr. Je te manquais, quoi. Voilà. Eh bien, tu vois, je suis là. Eh oui, je vois. Je tu peux me dire bonsoir? Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Ça va? Ouais, ouais, ouais, ça va. On prend l'air. L'air de quoi? L'air d'aller. Si, si, ça va très bien, tout va très bien. Tu ne m'embrasses pas? Ah, en somme, ça va parce que je ne t'embrasse pas. Si je t'embrassais, ça n'irait plus. Tu es bête. Je sais. Mais non, tu es bête. Encore? Mais c'est pas ce que je veux dire. Ah, bon. Et maintenant que je t'embrassais, ça va mieux ou plus mal? Ah oui, beaucoup mieux. À propos, ça avance ta décoration chez Carrington? Oui, oui, oui, ça vient très bien. Tu sais l'heure qu'il est? Oui, il est 8h05. Je ne te le fais pas dire. Eh ben si, justement, tu me le fais dire, tu me demandes l'heure, je te l'ai dit, 8h05. Non, non, il n'est pas 8h05, il est déjà 8h05. Nuance. Qui veut dire? Que tu rentres tard. Ah ben oui, parce que ça s'est prolongé. Dans la dernière partie, j'avais une très bonne main. Tu as gagné? Oui, enfin, non. Au début, j'ai perdu, puis après, j'ai gagné. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, tu sais très bien que je ne joue pas pour gagner. Ouais. J'y vais pour m'amuser. Ouais. Pour que le jeu soit intéressant, il faut qu'il y ait un enjeu. Puis quand on joue de l'argent, c'est quand même plus intéressant que de jouer des haricots. Oui. À propos de haricots, tu veux dîner dehors? Et oui, pourquoi pas. Où veux-tu aller? Où tu veux. Où as-tu mis le guide des restaurants? Je crois qu'il est là. Dis-moi. Oui, tu veux boire quelque chose? Ah oui, tiens, un petit whisky, ça va me donner de l'énergie. Pourquoi? T'en as besoin? Non, non, je disais ça comme ça. Oui, alors? Mais non, naturellement, tu joues toujours au même endroit. Oui, soit à Haussmann, 5 ou à l'eau. Hein? Ah oui, oui, à l'eau, à l'eau. Soit à Courcelles, c'est ça? D'ailleurs, tu le sais bien. Ah, ça oui. Mais alors, pourquoi tu me le demandes? Non, c'était simplement pour savoir si aujourd'hui tu étais à Haussmann. Ah ben non, aujourd'hui, justement, en sortant du bureau, j'ai décidé d'aller à Courcelles. Hein? C'est vrai, maintenant, je vais très peu à Haussmann. Et tu vas aussi de moins en moins à Courcelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire... Enfin, je veux dire qu'on t'y a pas vu depuis 2 mois exactement. Depuis 2 mois? Oui. Comme le temps passe, hein? N'est-ce pas, hein? Mais dis donc, Tu m'espionnes, toi? Ah non, alors ça pas du tout. Moi, je t'ai appelé tout à fait par hasard. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'on ne te voyait plus depuis belle lurette. Pas plus à Haussmann qu'à Courcelles, d'ailleurs. Oui, alors? Alors rien. Mais quand tu me dis que tu en arrives, ça m'étonne, mets-toi à ma place. Tu sais très bien que j'ai horreur d'en rendre des comptes. Mais je te demande rien. Je constate simplement que tu mens, c'est tout. Moi, je mens, moi? Oui, oui, oui. Et tu mens mal. Évidemment. Tu m'as pas laissé le temps de me préparer, là. Tu m'attrapes au vol, comme ça. C'est difficile de se défendre. On se connaît tellement bien, tous les deux, depuis qu'on est ensemble. Parce que tu comptes les années? Non, ce sont les années qui comptent. Ah, oui. Et à la longue, on est devenu un peu pareil. On se ressemble, quoi. Oui, on est comme ces gens qui ont des têtes d'épagnols à force de vivre avec leurs chiens. Voilà, c'est ça. Et nous deux, qui est l'épagnol? Bah, tu vois, moi, de ce côté-là, je suis gâté. Hein. De toute façon, pour que tu mentes sans que tu t'en aperçoives, il aurait fallu que j'aie le temps de me préparer. Mais cette attaque surprise, comme ça... Ça m'a surpris. Oui, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, si tu mens, c'est que tu dois sans doute avoir une bonne raison. Ah, ça oui, excellent. Tu veux la connaître? Pourquoi? Tu vas me la donner? Si tu veux. Oh, la vraie raison? Bah, évidemment. Oh, ça y est. Ça y est, tu as le temps de te préparer un mensonge sans tête d'épagnole. Enfin, je veux dire, un mensonge que je ne verrai pas. Ah non, la véritable raison vraie. Bon, alors j'écoute. Mais je te dis pas que je te croirai. Là, je te garantis que tu vas me croire. Parce qu'une raison comme celle-là, ça ne ressemble pas à une excuse. Hein. Voyons. Tu l'auras voulu, hein? Mais oui, allez. Eh ben voilà, j'ai une maîtresse. Comment? J'ai une maîtresse. Toi? Oui, moi. Tu trouves ça drôle? Ah non, alors ça pas du tout. Et pourquoi ris-tu? Mais je sais pas, c'est nerveux, c'est la surprise sans doute. Ah, ça t'étonne? Ah, que tu aies une maîtresse, ça oui. Enfin, je veux dire, non. Ce sont des choses qui arrivent aux hommes en général. Et alors? Quoi et alors? Eh bien, continue. Continue? C'est tout ce que tu trouves à dire? Si tu m'annonces ça comme ça, c'est que tu vas me dire autre chose. Alors je te dis continue. Mais attention, hein, je te dis pas continue à avoir une maîtresse. Parce que si tu m'avais demandé mon avis avant, eh bien je t'aurais certainement déconseillé d'en prendre une. Seulement voilà. Tu t'es méfié, tu as fait tout ça sans rien me dire, toujours des cachotteries. Alors c'est le fait accompli. Elle est jolie? Ah oui, je trouve. Eh bien tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que je ne suis jamais arrivée à comprendre ces hommes qui ont chez eux des femmes... Enfin, des femmes comme moi. Quoi. C'est vrai, très très bien. Oui, merci. Enfin, pas trop mal, quoi. Et qui choisissent toujours des maîtresses horribles. C'est sans doute un besoin de contraste. Chez les autres, peut-être. Mais moi, tant qu'avoir une maîtresse, je préfère qu'elle soit jolie, ça coûte pas plus cher. Ah bon? Parce que tu la paies? Oui. Enfin, non. C'est une façon de parler. Je veux dire, jolie ou pas, c'est le même prix. C'est quoi. Ça, tu la paies. Mais non, j'aime pas les laines, c'est tout. Maintenant, si tu me laissais le temps de placer un mot, je dirais pourquoi j'ai pris une maîtresse. C'est inutile, je le sais. Ah bon? Eh oui, tu as eu besoin de changement. C'est tellement à la mode, ce besoin de changement, que c'est devenu tout à fait naturel. Enfin, ce sont les hommes mariés qui le disent, naturellement. Bah, pourtant, c'est pas ça. Si, c'est sûrement ça. Quelqu'un de différent pour varier les plaisirs de 5 à 7 et le samedi de 5 à 8. Écoute, d'habitude, j'aime beaucoup ta façon de plaisanter, mais là, je trouve que c'est pas tout à fait le moment. Mais je ne plaisante pas. Ou à propos, est-ce qu'il y a beaucoup de monde au courant de cette histoire? Ah, ça, tu peux être contente. Ah, tu trouves? Tu es la première à savoir que si j'ai pris une maîtresse, c'est parce que tu as un amant. Quoi? Tu as un amant. Non, mais tu rêves. J'aimerais bien, j'ai beau me pincer. Ah non, je rêve pas du tout. Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée, voyons? Enfin, c'est grotesque. Et pourquoi est-ce que j'aurais un amant? Ah ben ça, tu dois le savoir mieux que moi. Mais ne me dis pas que tu as un amant, parce que j'ai une maîtresse. Ça, c'est mon argument à moi. Toi, ton amant, tu l'avais avant. Non, mais enfin, c'est ridicule. Voilà, c'est surtout moi qui suis ridicule. Toi? Oui, ah. Moi. C'est pas que j'ai peur d'en mourir, non. Le ridicule ne tue plus personne déjà depuis bien longtemps. Sauf peut-être quelques hommes politiques. Tiens, j'en connais un, je te dirai pas son nom. Il peut plus passer la porte de l'Assemblée nationale. Enfin bref, moi ça me gêne, ça m'ennuie. Non mais je t'assure que tu n'es pas ridicule. Mais si, ton amant me rend ridicule. Oh mais c'est cette scène qui est ridicule. Je te fais pas de scène. J'ai l'air d'un con, c'est tout. Mais enfin, c'est insensé, tu ne vas tout de même pas m'accuser. Mais je ne t'accuse pas. Je constate une évidence. Et quelle évidence? Que je suis ridicule à cause de ton amant. Tu es fou. Tu n'as pas d'amant? Mais bien sûr que non. Alors, pourrais-tu m'expliquer quel est le bipède qui vient ici plusieurs fois par semaine, quand l'abonné est sorti, qui range sa voiture du côté de notre trait de service, qui reste seul avec toi pendant 2 ou 3 heures, et qui s'arrange toujours pour partir un bon quart d'heure avant que j'arrive? Alors, dis-moi, qui est-ce? Eh bien... Eh bien quoi? Eh bien oui, là, j'ai un amant puisque tu y tiens. Oh, mais j'y tenais pas du tout, moi. Je m'en serais même très bien passé. Mais je ne veux pas continuer à nier, puisque tu le sais. Oui, et où l'as-tu connu? Où je l'ai... Eh bien, chez Nicole. Ah, chez Nicole? Parce qu'elle organise ce genre de rencontre. Bah, tu sais que je vais la voir de temps en temps pour lui tenir compagnie dans son magasin. Oui, alors? Eh bien, il est venu deux fois de suite quand j'y étais. Et c'est un ami de Nicole? Mais non. C'est un client qu'elle connaît. Il venait acheter du parfum. Ah, parce qu'il se parfume? C'était pour offrir. Ah, offrir à qui? Mais du parfum, je suppose, à des femmes. Hein? Et tu ne serais pas sa seule femme? Mais je n'en sais rien, moi, je n'ai pas demandé. Eh bien, tu n'es pas curieuse. Alors, c'est ton amie Nicole qui vous a présenté l'un à l'autre, comme ça. Oui, c'est ça, comme ça. C'est ça, comme ça. Et vous avez parlé de quoi? De quoi? Mais je sais pas, moi. De la pluie, du beau temps, enfin, des choses qu'on se dit quand on se connaît pas. Oui, et qu'on veut faire connaissance. Les plus vieux trucs sont toujours les meilleurs. Il a commencé à venir ici comment? Comment? Eh bien, tout bêtement. Ah bon, tout bêtement? Oui, la seconde fois que j'ai vu chez Nicole, il pleuvait à verse. Ça vous a fait un sujet de conversation, vous trouvez, ça? Non. Il n'y avait pas de taxi, alors Nicole avait téléphoné à toutes les compagnies. Oh, elle avait fait cet effort. Oui, alors il était là et il m'a proposé de me ramener. Et tu acceptais, bien entendu. Mais il pleuvait beaucoup. Oh, j'en doute pas. Pour que tu te laisses raccompagner comme ça, ça devait être le déluge, hein? Et ensuite? Ensuite? Oui, où l'as-tu revu? Eh bien, chez Nicole. Encore? En somme, chaque fois que t'allais chez Nicole, il était là. Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Et ton amie Nicole, qu'est-ce qu'elle disait de tout ça? Mais rien, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Ben oui, aveugle et sourde, évidemment. Elle le trouve très sympathique. Ben voyons, un client qui vit des valises comme ça toute sa boutique en emportant même les clientes. Et ensuite? Ensuite, eh bien, il m'a raccompagnée ici une autre fois. Ah oui, je vois, il pleuvait encore beaucoup. On a raison de dire que les saisons sont pourries, hein? Non, cette fois-là, il ne pleuvait pas. Ah, même pas? Non, mais comme je connaissais, eh bien, j'ai accepté et je lui ai offert du thé. Du thé? Oui. Eh bien, c'était pas tant tout ça. Alors, en dehors de te raccompagner quand il pleut ou il ne pleut pas, il passe le reste de son temps chez Nicole en attendant que tu arrives, c'est ça? Ah non, ça, tu peux être fier, il travaille. Ah bon? À Saclay. À Saclay? Sur les neutrons. Les neutrons? Oui. Encore un de ceux qui vont nous foutre la bombe. Et il a beaucoup de goût. Mais j'en doute pas, tu en es une preuve vivante. Chez lui, c'est ravissant, tu sais. Chez lui? Parce que t'étais chez lui aussi? Ah oui, rue de Grenelle, il a de très jolis tableaux. Sont pas des estampes japonaises, par hasard? Non, un petit Dufy, bleu et rose, ravissant. Mais enfin bref, pourquoi y as-tu été? Il voulait me rendre ma tasse de thé. Ah, parce que vous ne pouviez pas aller boire le thé dans un café comme tout le monde, non. Il a fallu aller chez lui. Mais tu me fais une scène. Mais je te fais pas de scène. Je t'écoute. Et ensuite? Ensuite, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il est revenu ici. Eh oui, plus la peine d'aller chez Nicole. Pourquoi faire un détour directement ici? Oui, mais je n'étais pas là. Ah non, pourquoi? Non, parce que j'avais été retardée, alors je l'ai trouvé là, devant la porte, quand je suis arrivée. Oh, le pauvre, devant la porte. À ta place, j'aurais honte. Il avait acheté un gâteau. Ah, un gâteau. Oui, pour boire avec le thé. Enfin, je veux dire, non, pour le manger en buvant le thé. Parce que tu l'avais réinvité. Je voulais lui rendre sa tasse de thé, tu comprends? Oh là là, si je comprends. Oh. Je t'invite, tu m'invites, oui. Je te rends ta tasse de thé, tu me rends ma tasse de thé, ils se rendent leur tasse de thé. Oui, c'est tout à fait ça. Vous étiez noyé dans le thé, hein? Et crois-tu que c'est bête, hein, tout ce thé? Ah oui, c'est idiot. Mais c'est la vérité. Ah, mais je comprends. Une pareille quantité de thé, ça peut pas s'inventer. C'est à vous d'égoutter du thé pour l'éternité. Non, mais y a pas de quoi rire, hein. Non, mais c'est la nervosité. Bah ouais, tu bois trop de thé. Entrez et entrez. Ah, voilà notre petite porcelaine de Saxe. Guten Tag, Herr Doktor. Oh, pardon, monsieur. Non, appelle-moi Herr Doktor, alors, ça va. Si tu la laisses prendre de mauvaises habitudes, elle ne saura jamais parler français. Mais non, elle est charmante. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, voilà. La Frau Docteur me dit, je te zone quand tu arrives. Je te zone rien du tout. Regarde, j'ai l'oreiller tout rouge d'être resté collé à la zonerie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, comme tu ne m'avais pas dit si tu voulais dîner ici ou dehors. Alors moi, je ne sais pas s'il faut préparer pour 3 ou pour 5. Cinq? Eh oui, vous deux plus moi. Ah oui, je voulais que tu mangeais comme 4, toi, hein? Tu y es presque, mais avec 3 portions, c'est bien. Alors je fais quoi? On n'a pas encore décidé. Mais tu m'as dit que quand ils seraient là, tu me dirais... Eh bien, on n'en a pas encore parlé, voilà. Et vous allez en parler quand? Quand on aura fini de parler d'autre chose. Eh ben tout ça, c'est pas bien pratique, hein? Ah non, c'est pas pratique. Bon. En attendant que tu aies décidé, moi, je vais quand même faire une soupe. Voilà, on va faire une soupe. Bon, alors où en étais-je? Ah oui, au gâteau. Ah oui, oui, oui. Mais nous n'avons pas pu le manger. Eh oui, parce que j'allais rentrer. Oui, alors il est revenu le lendemain avec un autre gâteau, tu vois. Ah oui, je vois. C'est pas le genre qui revient avec un gâteau de la veille, ça, hein. Et ensuite? Ensuite, eh bien... finalement... Enfin, quoi? Enfin, tu comprends. Et tu l'aimes? Ça, je ne pense pas. Enfin, je crois pas. Enfin, je sais pas. Hein. Et je ne sais surtout pas pourquoi je te raconte tout ça. Ouh, et puis d'abord, comment l'as-tu appris? Oh, tu sais, Paris est bourré de colporteurs de bonnes nouvelles. Oh, ça oui. Bon, alors écoute, tu as une maîtresse, j'ai un amant, nous sommes quittes. Pas du tout. Parce que si ces colporteurs savent que tu as un amant, par contre, ils ignorent que j'ai une maîtresse. Et je ne serais vraiment satisfait que le jour où tout le monde en saura autant sur moi que sur toi. Oui. C'est pour ça qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Ah oui, laquelle? Amener ma maîtresse ici. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Enfin, tu ne vas tout de même pas amener ta... comme mais ça. Mais voyons, enfin... pour que tout le monde sache qu'elle existe, il faut que tout le monde la voie comme tout le monde a vu ton amant. Mais c'est pas pareil, hein. Lui, il est venu ici par hasard, presque naturellement, petit à petit. Comme et ça. Alors, c'est exactement la même chose. Mais pas du tout. Toi, tu veux la faire venir exprès. Ta raison est préméditée. Ah non. Elle viendra ici comme si elle était une de tes amies. Personne ne saura que c'est moi qui l'amène, puisque toi, tu seras là. Ah bon? Enfin, au début. Ah. Et puis, au bout de quelques temps, tu sortiras juste avant qu'elle arrive, et on la verra repartir juste avant que tu rentres. Comme ça, tout le monde en déduira que ton amie est devenue ma maîtresse. Eh. Voilà, c'est exactement ce que je veux. C'est vrai. Les gens ne peuvent pas voir une brune dans la voiture d'un homme marié à une blonde sans sortir cette brune de la voiture pour la mettre dans le lit de cet homme. Même si cette brune est vétérinaire, elle vient pour le chien. Tu me diras, nous n'avons pas de chien. Mais les gens n'ont pas toujours tort. Parce qu'il y a certainement des maris qui trompent leur femme avec des vétérinaires brunes ou blondes. Enfin, l'essentiel, c'est de donner des certitudes aux gens. Et tout le monde sera enchanté, puisque tout le monde saura que je sais pour toi et que toi, tu sais pour moi. Voilà. Non, mais c'est un jeu affreux. Mais c'est pas un jeu. Tu verras, c'est une fille charmante. Oh, je t'en prie. Hein. Mais réfléchis. Si elle était réellement une de tes amies et qu'elle vienne ici quand tu n'es pas là, sans que tu ne saches rien. Eh bien, ce serait plus normal. Enfin, je veux dire, plus normal pour ce genre de choses. Ah oui, mais ça serait banal. Et là, nous sommes quand même dans une situation anormale. Enfin, tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser amener cette fille ici. Et par amour propre, en plus. Parce que dans le fond, c'est ça. Oui. Hein? Parce que quand on est trompé seul, c'est plus triste. Ah, quand on est deux à l'aise, c'est plus rigolo. Puis on se sent moins seul. Ah, tu trouves, toi? Mais je ne te demande pas grand-chose. Simplement de la connaître. Oui, c'est ça. Un grand renfort de tasse de thé. Thé, t'as pas mal servi, hein. Alors, tu vois une quinzaine de théières, après, hop, tu la verras plus. Bon, alors écoute. En admettant que j'accepte que tu la fasses venir, je dis bien en admettant, hein, tu vas lui dire que je suis quoi, moi? Ben, t'es ma femme. Non, parce que tu vas lui dire que je suis ta femme. Pourquoi t'es pas ma femme? Alors là, je me demande vraiment sur qui tu es tombée pour qu'elle accepte de me rencontrer. Je te présente ma maîtresse, je te présente ma femme. Ah mais non, elle ne saura pas que tu sais ce qu'elle est pour moi. Ça, évidemment, elle ne viendrait pas. Ah bon? Parce qu'elle saura que je suis ta femme et moi, je ne serais pas censée savoir qu'elle est ta maîtresse. Voilà, c'est ça. Oui, j'aurais l'air complètement idiote. Ça, c'est sûr. Eh bien, je refuse. Et puis, de toute façon, tu peux pas lui dire que je veux la connaître puisque je ne suis pas censée savoir qu'elle existe. Ah oui, c'est vrai. Ah. Alors, il faudrait trouver un prétexte pour que vous rencontriez par hasard, en somme. Eh oui, mais comment veux-tu? Voyons, c'est impossible, tout à fait impossible, par hasard. À moins que... À moins que quoi? Oui, oui, oui, il y a peut-être un moyen. J'étais sûr que tu trouverais. Eh bien, alors... oui, il y en a un. Et seulement, il faudra que tu lui mentes. Eh bien, c'est parfait. Tu serais d'accord? De lui mentir, pourquoi pas? Nous nous disons déjà la vérité, s'il fallait la dire à tout le monde. Hein. Eh, où irait-on? Oui, bon. Alors, c'est très simple. Voilà. Tu vas lui dire que j'ai dû partir. Tu pars? Oui. Où ça? Nulle part. Bah alors, tu pars pas? Non, non. Ah oui, comme ça, elle viendra. Naturellement. Et comme j'aurai raté mon train... Tu nous surprendras. Mais forcément, puisque je rentrerai. Ça a l'air d'aller, ça, dis donc. Oui, mais est-ce que je saurais être assez étonnée, innocente? Oui, oh, je te fais confiance. Tu sais très bien mentir, tu me l'as prouvé. Oui, hein. Et quand elle sera là, devant moi, debout... Tu l'as fait asseoir. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Peut-être que je ne pourrais pas supporter de la voir. Monsieur... Mais non, il y a des risques. Un mot de trop, de travers, si elle te regarde. De travers? Mais non, trop. Enfin, je sais pas. Tout peut faire explosion. Mais non, on n'est pas sacré ici. Puis moi, je serai là pour faire la liaison. Hein? Enfin, c'est une façon de parler. Et si tu lui disais de venir, mais de venir tout de suite? Hein? Pourquoi? Parce que si elle vient maintenant, elle ne pourra pas faire semblant de s'être trompée d'adresse. Demain non plus. Mais si, beaucoup plus facilement. Tandis qu'en pleine nuit, quand tu lui ouvriras, elle te dira bonsoir. Et c'est à ce moment-là seulement qu'elle me verra. Mais trop tard. Elle ne pourra pas dire qu'elle ne te connaît pas. Hein? Ben oui, mais comme c'était pas prévu, elle va peut-être... Non, c'est juste pour prendre un premier contact. Et puis demain, si tu veux, eh bien, on ameutera les voisins et on fera en sorte qu'elle ne passe pas inaperçue. Allez, vas-y. Où ça? Ben, téléphone-lui. Non, mais maintenant... Ah oui, puisque tu étais encore avec elle à 8h moins quart. Ah oui, je te dis, comme c'était pas prévu, elle va sûrement se méfier, hein. Mais non, t'inquiète pas, va. Elle va se dire que tu tiens vraiment beaucoup à elle, elle ne va pas marcher, elle va courir. Ben, on t'en parle avec une désinvolture, toi. Pas du tout. Moi, j'essaie de m'installer confortablement dans une situation inconfortable. J'accepte de la voir, mais à condition que ce soit tout de suite. Je ne peux tout de même pas faire plus. Allez, vas-y. Non, mais là, devant toi, là... Pourquoi, ça te gêne? Ah non, moi, ça me gêne pas, c'est pour toi. Hein. Non, t'inquiète pas pour moi. Au point où nous en sommes, je peux t'écouter lui téléphoner, je peux tout entendre. Puis ça va peut-être pas répondre, hein. Eh oui, ça m'aide pas. Comme d'habitude, elle a ses soirées de libre. Hein. Eh oui, parce que tu es avec moi. Ah oui, elle sera sûrement partie. Pourquoi? Elle a un amant, enfin un autre. Oh, pardon. Allez, c'est toujours, on verra bien. Alors là devant toi, hein. Pourquoi? Non, mais ça te gêne? Ah non, moi ça me gêne pas. Je te dis, c'est pour toi, hein. Non, vas-y. Ah bon? Eh ben alors, on va y aller. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais pas son numéro par cœur? Je t'ai dit, j'ai déjà dit que c'était pas une histoire de cœur. Oh oui, hein. C'est vrai, j'oubliais. Bon, ben, on va y aller. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir, hein? Oh, si, ça me fait très, très, très plaisir. Ah non, alors ça, tu n'as pas l'air content. Oh, j'ai pas l'air, mais je suis très, très content. Tu as ce que tu voulais? Ouais, mais hein? Je te dis, c'est pour toi. Alors vraiment, parce que je peux encore accrocher, moi, hein. Quoi? Non, je dis ça, c'est pour toi, hein. Non, allez, oublie-moi. Fais comme si je n'étais pas là. Puisque tu dois lui dire que tu es tout seul, eh bien fais vraiment comme si j'étais partie. Ah, c'est pas libre. Parfait. Mais pourquoi ça... parfait? Ben, ça veut dire qu'elle est là. Enfin, hein? Oui, peut-être, c'est pas sûr, hein. Ouais. Allez, vas-y. Bon, on va recommencer. Hein. Oui. Voilà, ça sonne, c'est oui, libre. Oui, ça, j'avais compris. Oh. Allô? Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Oui, ben, je viens de rentrer, j'ai vu le téléphone, j'ai dit, tiens, je vais lui téléphoner. Ben, faut faire marcher les PTT, hein. Alors, ça va depuis tout à l'heure? Oui, ben, moi aussi, ça va. Alors, ça va tous les deux. Il vaut mieux que ça aille pas, hein. Il fait beau dans ton quartier? Ben ici, il fait beau aussi, dis donc. On a du bol, il fait beau dans nos deux quartiers. Là. Pardon? Hein? Elle me demande pourquoi je l'appelle. Mais dis-le-lui. Eh ben, j'ai le temps. Je t'appelle parce que j'ai dit, tiens, je vais l'appeler. Alors, j'ai vu le téléphone et je l'appelle. Voilà, ben on s'appelle comme ça. Hein? Oui, alors en prenant le téléphone... sur la table, j'ai trouvé un mot de... Oui, d'elle. Elle est partie. Oui, elle est partie pour quelques jours. Ah non, elle n'est pas partie définitivement. Non? Oui, pour quelques jours. Oui, seulement. Elle est vraiment charmante. Oh, mais tais-toi. Oui, alors j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour se voir ce soir. Hein? Bah oui, si tu veux, pour dîner. Non. Ah non, pas pour dîner. Non, parce que j'oubliais, mais j'ai un petit dîner d'affaires. Hein? Ah non? Ah non, je peux pas le décommander parce que j'ai un petit dîner, mais c'est une grosse affaire. Hein? Non, mais c'est pas grave, on peut se faire après le petit dîner. Hein? T'es content? Eh ben, moi aussi, je suis content. Eh ben, on est content tous les deux. À quelle heure? Je sais pas, moi, vers 11h. Voilà, c'est parfait vers 11h. T'es contente? Eh ben non, je t'ai jamais vu aussi content. Eh ben ça va, on est contents tous les deux. Hein? Oui, c'est ça, vers 11h. Oui? Oui, tous les deux, en tête à tête. Eh oui, si on est tous les deux, on est en tête à tête. T'es contente? Eh ben dis donc, je sais que t'es contente. Hein? Oui. Hein? Oui. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me demande si je... Si tu quoi? Si je l'aime. Mais réponds-lui, voyons. Je suis pas aux pièces, hein. Allô? Non, non, je réfléchis pas. Je croyais qu'on avait été coupé. Hein? Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, c'est ça. T'es contente? Eh ben, oh, dis donc, qu'est-ce que t'es... Oui, c'est ça. Ah, ah oui, c'est vrai. Tu n'es jamais venu chez moi, toi. Alors, 55 Villa Dubois au rez-de-chaussée. Voilà. Voilà, oui, tous les deux. C'est ça, en tête à tête. Oui, tous les deux. Véronique, c'est ça. Oui. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Mais si je te le dis maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire tout à l'heure? Je t'aime. Ah, il m'énerve. Eh bien, dis donc, quoi, maman au téléphone, je te félicite pas. Hein? Si tu crois que c'est facile avec tes conseils, là, tes commentaires... J'ai fait ce que j'ai pu, moi. Tu lui parles toujours comme ça quand tu l'appelles? Ouais, je l'appelle jamais. J'ai horreur de lui téléphoner. Hein. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle t'ait cru. Ah, ça? Ah. Pour m'avoir cru, elle m'a cru. Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais elle est contente. Ouais, qu'est-ce qu'elle est en train? Elle va appliquer ici vers 11h, 11h15. Hein. Eh bien, tu vois, moi qui ne voulais pas, eh bien, je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Hmm? Fais pas cette tête-là, voyons. Ah, hein? Non, moi, je fais pas de tête. Je pense à quelque chose. Ah oui, à quoi? Ah ouais. Ça serait rigolo. Ah oui, quoi? Eh bien, si on profitait de cette petite sauterie... Oui? Pour que toi aussi, tu fasses venir ton... Ah, mais non! Et alors, pourquoi lui aussi ne serait-il pas dans cette situation délicate? Puis je voudrais bien voir comment il va expliquer son arrivée ici en pleine nuit. Hein? Et puis je verrai la tête qu'il a, depuis que j'en entends parler. Ce bonhomme de Saclay. Le sacré bonhomme. Non, non, mais enfin, tu vas... Allez, vas-y, allez, un petit effort. C'est le premier pas qui compte, allez, c'est vas-y. C'est un défi. Ouais, si tu veux. Bon, après tout, comme tu voudras. Hein? Moi? En tout cas, tu connais son numéro par cœur, toi. Hein? Évidemment, évidemment, je le connais par cœur. Ses visites ici ne me suffisent pas. Dès que tu as le dos tourné, je l'appelle. Allez, vas-y. Tu restes là à écouter? Et pourquoi pas? Ben, tu sais ce que je vais dire. Non, mais c'est la façon dont tu vas le dire. Tout est dans le ton, la manière. Allô, c'est toi ou c'est moi? Ah oui, à cette heure-ci, c'est pas le facteur. Tais-toi! Voilà, je t'appelle parce que mon mari a dû s'absenter pour quelques jours. Oui. Oui, oui, c'est son bureau qui vient de me le faire dire, là. Oui. Ah ben, si tu veux, pour le dîner... Ah non, ah non, non, pas pour le dîner parce que ce soir je dîne avec une amie. Oui, oui, mais on pourrait se voir après, vers 11h. 11h, très bien, oui. Oui, oui, oui, oui. Oh, oui, nous parlerons de ça. Ouais. Vous parlez de quoi? Eh bien d'amour, voyons. Ah ouais, que je suis bête. Dis donc, c'est toi qui as voulu écouter, hein? Bon. Quoi? Qu'est-ce qui... Ah non, je t'assure qu'il n'y a rien de bizarre dans ma voix. Je croyais qu'on avait coupé, c'est tout, oui. Allez, à tout à l'heure, hein, je compte sur toi. Oui, à tout à l'heure, au revoir. Voilà. Oh, que je pense à t'en racheter une autre, hein, parce que... Elle perd ses poils, hein. Hein. Ouais. Ben, c'est pas du téléphone extraordinaire non plus. Toi, évidemment, tu tournais autour de moi, mais je savais plus ce que je disais, alors. Je te l'avais dit que c'était gênant. Entrez. Oula. Oh. On dirait un gâteau d'anniversaire. C'est Marie-Louise. Ben oui, je vois bien. J'ai cru que tu me reconnaissais pas. Mais si, oh, t'es ravissante. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te dire que la petite est venue. La petite? Oui, la petite à moi. Tu savais qu'elle avait une petite, toi? Non, alors sa première nouvelle. Et quand la petite est là, moi, elle a mangé. Oh, elle a mangé sa petite. Aïe, une bonne soupe et puis la petite est venue. Ah, j'ai compris. L'appétit est venu en mangeant. Ya, ya. Alors après, je me suis fait un homme. Hein? Oui, très bon, à poil. Je vais devenir complètement fou, moi. Mais non, pas fou. Casser œuf dans le poêle et manger très bonhomme. Ah, j'ai compris. Casser une œuf dans le poêle et manger très bonhomme. Omelette. Omelette. œufs. Avec deux T puis deux œufs. Ya, ya. Non, mais pourquoi? Il n'y avait pas autre chose. Non, pourquoi est-ce que vous avez dîné? Parce que je partir. Où ça? Eh oui, il m'attend. Avec qui? La main. Toi aussi, t'as la main? Décidément, c'est une maladie, hein? Ah, non, non, il est en très bonne santé. Ah, ben tant mieux pour lui. Et on va au cinéma. Oh, il a raison de t'emmener au cinéma, parce que au restaurant, ça lui coûterait trop cher, hein? Non, non, cinéma avant restaurant. Avant, tu vas remettre ça? Ya, ya. Attention, hein? Fais pas de bêtises, toi. Oh, tu as décidé, toi? Ouais. Pas rigoler avec ça, on sera encore charbon. T'en fais pas pour moi, va? Allez, amuse-toi bien. Bon, je vous laisse, hein. C'est ça, allez, mais foutez, faites pas des bêtises non, non plus, non, hein. Allez, là. Ben, je crois que nous aussi, on ferait bien d'aller dîner. Non, vas-y sans moi. Ah non, je tiens absolument à passer cette soirée avec toi. Particulièrement ce soir. Oui, particulièrement ce soir. Ouais. Parce que tu ne trouves pas que c'est un peu risqué, ce que nous allons faire? C'est même assez dangereux. Hein? Ah bon? Tu as peur? Pas toi. Un petit peu. Bah tant mieux. Mais pourquoi tant mieux? Comme ça, je ne serai pas toute seule à avoir peur. Alors écoute-moi bien. Tu veux... Et puis allez, viens dîner, va. Allons-y. Oui. Oh, tu es ravissant. Ah oui, je suis sûr que ma maîtresse sera de mon avis. Je ne me suis pas habillée pour elle. Ah bah, je ne me suis pas changée non plus pour ton amant. Alors ça, je m'en doute. Bah, nous avons eu raison de nous préparer pour cette petite soirée. Exceptionnelle. Je dirais même unique. Alors, il est 11h05, il y a de la glace, il y a du scotch. Non, parce que tu vas leur offrir à boire. Bah, c'est la moindre des choses quand on invite les gens. Oui, mais enfin là, c'est tellement particulier. Bah ouais. Hein? On aura peut-être besoin d'un petit remontant quand on va se retrouver nez à nez, tous les quatre. Ouais. Mais j'y pense. Oui. Comment est-ce que nous saurons si c'est lui ou elle qui est en train de sonner? Ah ça, il y a longtemps que je t'ai demandé de faire installer dans la porte un de ses œils. Hein? Un œil des yeux. Oui, enfin, si tu veux. Enfin, tu sais, un de ces petits machins par lequel on peut voir dehors, nous n'en serions pas là. Ah oui, mais je pouvais pas prévoir, hein. Ah ben, j'ai tout fait. Oui. Quand on entendra sonner, tu iras te pencher à la fenêtre pour voir qui sonne. Ah oui, mais si c'est elle, tu penses qu'en voyant, elle ne s'en ira pas? Eh ben, c'est moi qui me pencherai à la fenêtre pour voir qui sonne. Oui, alors si c'est lui qui sonne et qu'il t'aperçoive, ça, je te garantis qu'il s'en ira aussi. Alors c'est insoluble. Ou tu te penches à la fenêtre, c'est elle qui sonne, qui te voit et qui s'en va. Oui. Ou c'est moi qui me penche à la fenêtre, c'est lui qui sonne, qui me voit et qui s'en va. Oui. Ou alors on se penche tous les deux à la fenêtre. Et que ce soit elle ou lui qui sonne, on sera, ils partiront tous les deux en courant, et nous, on sera tous les deux penchés comme deux cloches à la fenêtre. Alors, il vaut mieux qu'on ne se penche pas. Eh oui. Ah. Nous avons donc une chance sur deux, que ce soit elle qui sonne, en admettant que ça soit moi qui aille ouvrir. Ou que ce soit lui qui sonne, si c'est moi qui ouvre. Ah oui, mais pour savoir lequel de nous deux ira ouvrir, il faudrait savoir avant qui est en train de sonner. On a sonné. Oui, on a sonné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as reconnu son coup de sonnette? Je t'ai déjà dit qu'elle n'était jamais venue ici, elle. Ah. Ce serait plutôt à toi de me dire si ce coup de sonnette ressemble à celui que tu as l'habitude d'entendre. Mais je sais pas. Celui-là m'a semblé un peu hésitant, hein, plutôt féminin. Ah, tu crois? Ah oui. Alors, ça serait pour moi. Bon. Alors, je me mets là, hein, et dès qu'elle sera rentrée, tu refermes, elle me voit, mais trop tard. Ah oui, mais c'est vache, hein? Ben, c'est comme ça. Non. Ça, c'est pas un coup de sonnette de femme, c'est un coup de sonnette d'homme. Tu crois? Eh oui, il a d'abord sonné une fois timidement. Oui. Et évidemment, c'est la première fois qu'il vient la nuit chez toi. Enfin, chez moi. Alors, il croit qu'il va te trouver dans un déshabillé sexy. Oh, je t'en prie, hein. Mais je me mets à la place de ce type-là. Il rêve de toi, il s'impatiente. Il ressonne plus fort plusieurs fois pour me montrer que c'est lui qui est là. Ça, c'est un coup de sonnette possessif. C'est un coup de sonnette possessif et vainqueur, ça. Ah oui, c'est lui. Eh, c'est lui. Tu oublies un peu trop vite le premier coup de sonnette, qui lui était un coup de sonnette féminin. Un coup de sonnette de femme seule dans la nuit et qui croit que tu ne l'as pas entendu. Et comme il y a des ombres qui bougent derrière les arbres, elle s'énerve, elle s'affole, elle ressonne plus fort plusieurs fois. Enfin, elle t'appelle au secours, quoi. On l'entendrait crier, là. Mais non, non, elle ne peut pas. Aucun son ne sort de sa bouche. Elle est pétrifiée d'horreur. Faut pas exagérer. Et peut-être qu'à cette seconde, un sadique s'approche d'elle. Il Il va pas la violer derrière la porte. Et pourquoi pas? Oh, hein? Alors ça doit être fait, faut y aller, dis donc. Non! Quand on se fait violer, on peut pas sonner comme ça. Bon, alors écoute, maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller ouvrir ensemble. Hein? Bon, alors, allons-y. Bonsoir! Ah, c'est toi? Eh oui! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici à cette heure-ci, toi? Comment? C'est toi, Brigitte? Ah, tu es là? Eh oui, tu vois. Alors, c'est toi? Eh oui, c'est moi. Mais tu ne m'avais pas dit que c'était Brigitte? Mais non, mais c'est pas elle. Bah si, c'est moi. Bonsoir, ma chérie. Laisse les chéris de côté, veux-tu? Bah pourquoi? Comment, pourquoi? Mais parce que c'est toi? Mais je te dis que c'est pas elle. Si, naturellement, c'est moi. Non, mais écoute, Jacqueline. Je ne te demande rien, je parle à Brigitte. Oh là là, c'est embêtant. Alors ça, j'aurais jamais pensé que c'était toi. Non, mais je t'aurais. Écoute, Jacqueline. Je t'en prie. Oh là là, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il y a? Comment qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manques pas de culot. Pourquoi? Hein? Moi, je croyais que tu étais une amie. Oh oui, une de tes bonnes amies, j'espère. Sinon, la meilleure. Alors ça, tu peux le dire. Ça, c'est la meilleure. Mais je te répète que c'est pas elle. Pourquoi est-ce qu'il ne disait pas à moi? Sans doute qu'il doit avoir honte. Mais pas du tout. Écoute, Jacqueline. Alors, s'il te plaît, tu t'es assez moqué de moi. Oh là là, c'est embêtant. Tu as l'air étonnée de me voir. Oh oui. Enfin, non. Non, mais comme tu sors assez souvent le soir. Oui, alors qu'est-ce que tu viens faire? Oh, je passais. Ah bon, tu passais? Oui, dans le quartier, par hasard. C'est ça, par hasard. Oh oui, hein, tout à fait. Mais tout à fait par hasard. C'est pour ça que je te dis que c'est pas elle. Et, non, mais écoute, Jacqueline. Je te demande rien, je parle à Brigitte. Oh là là, que c'est embêtant. Oh. Alors tu ne t'attendais pas à me trouver là? Oh, ça, franchement, je dois dire que non. Non. C'est embêtant, là, là. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va très bien. Alors, explique-moi ce que tu viens faire ici, puisque tu ne pensais pas que j'y serais. Oui, bah tu vois, c'est que... comme en passant, je veux la lumière. Oh, quel drôle de prétexte, la lumière. J'aurais jamais pensé à ça, moi. Non, mais écoute, Jacqueline, il faut te calmer. Je vais t'expliquer, c'est une erreur. Rien du tout. Oh là là, c'est embêtant. Alors, comme ça, tu as vu la lumière. Oui. Alors, plutôt que d'aller me coucher tout bêtement, moi, j'ai pensé... Oui, tu as pensé, puisqu'il y a de la lumière, autant venir coucher ici. Parce que chez toi, tu n'as pas d'électricité, voilà. Non, mais attends, écoutez-moi toutes les deux. Rien du tout, laisse-moi parler. Si tu as sonné en pleine nuit, c'est parce que j'ai vu de la lumière. C'est surtout parce que tu croyais qu'il serait seul. Oh, mais pas du tout, j'ai vu de la lumière. Oh, il ne ment pas, c'est inutile, hein. Oh, mais je ne mens pas. Oh, bah si j'avais su de sa prétendue histoire, je serais pas venue. Tu es venue à cause du téléphone. Mais quel téléphone? Le sien, tout à l'heure. Mais pas du tout. Mais ne nie pas, il m'a tout raconté. Raconté? Il a raconté quoi? Tu ne vas tout de même pas revenir sur ce que tu m'as avoué. Mais ce que je t'ai avoué, ça n'a aucun rapport avec... Avouer? Avouer quoi? Tout. Oh là là, c'est embêtant. C'est comme ça que je suis au courant de ta liaison avec lui. Hein? Bah oui, bah écoute. Non mais écoute, t'as tort d'insister, Jacqueline. J'insiste, parce que je veux qu'elle avoue elle aussi une chose qui n'est plus un secret pour personne de nous trois. Alors? Tais-toi! J'ai rien dit. Alors? Bah alors, évidemment, si tu le sais et que tu le prends de cette façon, et bien moi j'avoue tout ce que tu veux. Et tout ce que tu pourras me dire ne m'étonnera plus. Ah oui, c'est vrai, tu es si calme. N'est-ce pas, hein? Alors? Alors, mais je ne pouvais pas supposer qu'il te raconterait cette histoire. Sans ça, je ne serais pas au courant, n'est-ce pas? Ah, ça, bon. Bien sûr. Mais tu sais, ma chérie, ça n'a été qu'accidentel. Qu'accidentel? Alors là, ça devient emmerdant, là. Oui, enfin, je veux dire, ça n'a pas duré longtemps, hein? Pas longtemps? Oh non! D'ailleurs, il n'y a plus rien. Mais alors, tu m'as menti? Mais pas du tout! Comment ça? Il t'a fait croire que ça continuait toujours? Mais pas du tout! Oh, mais ma chérie, enfin, mais je te jure, tu entends? Je te jure qu'il n'y a plus rien entre nous depuis ces 8 jours! Oh là là, je t'embête! Ces 8 jours? Alors ça, c'est la plus belle! Et qu'est-ce que tu trouves à dire? Eh, plus rien! Elle a tout dit, hein? Tu m'as pas laissé le temps de passer un mot, maintenant c'est trop tard! Tu n'es pas trop fâchée? Tu voudrais peut-être que je remercie qu'il m'ait trompée avec toi? Oh, si peu, hein? Oh. Ah oui, hein? Si peu, tu trouves pas que tu vas fort? Oh, mais écoute, ma chérie, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, puisqu'il te l'avait déjà raconté. J'avais pas raconté ça. Ben, qu'est-ce que tu l'avais raconté? Mais pas ça. Eh ben oui, mais quoi? Rien. Non, ce que je voudrais que tu m'expliques... c'est la façon dont ça s'est passé. Ah, la face, oui. Ah, tu l'as pas dit? Non, il ne m'a donné aucun détail. Ah bah. Il y avait des détails. Oui. Bah, des précisions, si tu préfères. Oh, bah, écoute, ma chérie, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Rien à dire. Oh, et puis tu sais bien que c'est toujours à peu près pareil. Oui, hein. Quoi donc? Eh ben, l'amour. Tu l'as fait. Eh ben oui, mais elle me le demande. Mais pas ça. Eh ben, moi, je croyais. Mais non. Comment ça s'est passé avant? Avant? Oui. Comment vous en êtes arrivé à ça? Eh ben voilà, c'est à cause de... À cause de quoi? C'est à cause de ta mère. À cause de maman? Oui. Voilà, c'est à cause de ta maman. Ma maman? Mais qu'est-ce que ma maman vient faire là-dedans? Ah, voilà. C'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois? Oh là là, que c'est... Eh bien oui, je passais par hasard dans le quartier. J'ai vu de la lumière. Ah bon, déjà. Mais je te dis, c'est uniquement une question de lumière. Voilà, alors j'ai sonné. Il était tout seul. Comment ça? Eh oui, rappelle-toi, ta maman était partie pendant une semaine. Où? T'as été la retrouver, elle était partie à... Où c'est qu'elle était partie? Ah oui, à la Bourboule. Rappelle-toi, oui. Mais oui. Mais si, Jacqueline, ta maman faisait une cure, je crois. Oui. Oh, dis donc, à propos, ça l'a fait du bien, ta maman? Oh, je t'en prie, hein. Oh, mais écoute, ma chérie, mais c'est si loin, tout ça, hein? Qu'est-ce que c'est loin? Ah, rien qui est loin. C'est encore plus loin que ça. C'est tellement loin que je n'ai plus aucun souvenir de lui. Moi non plus, plus rien d'elle. Le vide, le désert, le néant, plus rien. Voilà, plus rien. Eh bien, c'est flatteur. Mais hein? Tu vois, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il t'a raconté cette histoire aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Et je préfère qu'il me l'ait dite plutôt que de l'apprendre par quelqu'un d'autre. Oh, ça, bien sûr. Et toi qui es une amie, t'aurais dû me la dire. Oh, ben écoute, ma chérie, moi je ne savais pas. Que je savais? Oh oui, et puis moi, j'aurais jamais pensé que t'avais les idées aussi larges. Eh ben tu vois. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Ah bon? Mais oui. Non, qu'est-ce qu'elles sont contentes de cette année, hein? Ah, tu peux pas savoir. Maintenant que je sais que tu le sais, qu'est-ce que je respire mieux? Leur mort étouffée en somme. Ah, voilà, il y a un peu de ça, oui. Mais maintenant, j'ai compris. Moi, je dirais toujours la vérité, toute la vérité à tout le monde, même si on ne me demande rien. Hein? Comme ça, tout est clair, ça fait pas de salade et on est soulagé. Eh bien, c'est tout à fait ça. Bon, maintenant, c'est fini, on n'en parle plus, hein? Ah bon? Maintenant qu'on s'est dit toute la vérité, peut-être qu'il faut que je parte. Oui, c'est ça. Allez, va-t'en. Ah, mais non. Ah, mais si. Mais non. Mais si. Non. Puisque tu es là, tu vas me rendre encore un petit service. Encore? Pourquoi encore? Oh, pour rien. Ah, avec plaisir, si je peux. Mais ça, tu pourras aussi. Aussi, pourquoi aussi? Ah, mon Dieu. Bon, alors voilà. Nous avons chacun un rendez-vous avec quelqu'un. Mais comme nous ne savons pas qui va sonner... Eh ben, puisque vous avez rendez-vous... Mais oui, mais nous ne savons pas lequel va sonner le premier. Ah, bon? Tiens. Tiens, justement, ça sonne. Alors, tu vas aller ouvrir. La porte? Oui, évidemment, pas la fenêtre. Bon, alors, si c'est un homme qui se trouve devant toi, tu... Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, hein? Oh, ben, c'est facile. Tu tousses. Voilà. Je tousse? Oui. Ah, mais si c'est une femme? Tu tousses pas. Je tousse pas? Ah, alors il est truc. Ah, ça y est, un arsenic. Oui, ça, j'ai entendu. Alors, je vais ouvrir? Oui. Oui. Et je tousse. Oui, ou tu tousses pas. Ah oui, ça dépendra. De quoi? Si je tousse ou pas. Tu crois qu'il a compris? Non. Non. Et compte jusqu'à 5 avant d'ouvrir complètement. Je compte jusqu'à 5? Oui. Pourquoi? Oh là là, mais faut tout lui dire, hein. Pour que nous ayons le temps de savoir si c'est le rendez-vous de Jean ou le mien qui a sonné. Ah bon? Tu as compris? Non. Eh bien, dis donc, tu n'as pas dû t'amuser, hein? Ça dépend des jours, hein? Bon, ben, ça va comme ça, hein? Allez, compte! 1, 2, 3... Mais pas haute voix, autruche! Mais non, compte jusqu'à 5 en toi-même, que nous ayons le temps de sortir, Jean, moi, si tu tousses ou pas! Ah, vous allez sortir, tous les deux? Oui, enfin, lui ou moi! Ah, je comprends pas. Oh, quelle patience. Écoute, entrebâille la porte comme si tu étais la bonne. Ah, la bonne. Voilà. Oh, ben ça y est, j'ai compris. Enfin. Oh, mais là, la bonne est sérieuse, là. Bon, alors je récapitule, hein. Si c'est une femme, je ne tousse pas. Je compte jusqu'à 5. Et j'ouvre complètement. Eh ben, Ouais, non, s'il pleut, ils vont être trempés, hein. Allez, c'est ça. Alors, je dis bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Mais si tu veux, si tu veux. Et puis tu fais entrer et tu sors. Je sors. Mais oui, tu pars. Ah bon, je pars? Oui. Oh, ma chérie, je pars. Au revoir. C'est ça, au revoir. Tu ne m'en veux pas trop? Mais non, mais non. Oh, alors embrasse. Non, allez, plus tard. Oh, tu vois, hein? Tu m'en veux. Écoute, allez, va ouvrir. Allez, allez. Je vais tousser. C'est lui, 5 minutes, pas plus. C'est ça. Bonsoir, monsieur. Et au revoir, monsieur, moi, je me rappelle, je vais pas rester. Yes. Oh non, c'est personne. Comment ça, personne? Non, non, enfin, je veux dire que c'est la personne... Ah, avec laquelle tu as dîné? Voilà. Ça y est, j'ai compris. Oh, tu es superbe. Tu trouves? Ah, mieux que ça. Non. Bien là. Ça va? Ah non, non, non, non, non. Ah non, bon, pourquoi? Ben voilà, parce que je suis dans une drôle de situation. Laquelle? Eh bien, figure-toi que mon mari a appris ton existence. Non. Et quand un homme croit que sa femme le trompe, en général, il n'est pas content. Oui, bon, mais tu lui as expliqué. Eh bien non, non, ça justement, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que c'était trop tard. Trop tard, je comprends pas. Il avait déjà pris une maîtresse. Non. Et il m'a dit que c'était uniquement pour se venger parce que j'avais un amant. Autrement dit? Autrement dit, il a une maîtresse à cause de toi. Oh, ben ça alors. Alors, il faut que tu m'aides. Mais volontiers, mon chéri, tout ce que tu voudras, mais je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Ah, mais moi je vois, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Eh ben alors, dis-moi. Eh bien voilà. Alors. Mon mari n'est pas parti aussi longtemps que prévu. Ah non? Non, non, non. Et il va revenir. Ah bon, quand ça? Oh, bientôt, bientôt. Enfin, je veux dire que. Il est déjà revenu. Comment ça? Oui. Il est ici. Il est. Non. Si. Où ça? Là. Là? Ah non, tu te moques de moi. Mais ouvre et regarde. Mais tu aurais tout de même pu me prévenir, mais franchement. Comment? Il vient de rentrer 5 minutes avant que tu arrives. Oh, pour moi, il a dû sentir que tu allais venir. Bon, alors écoute, c'est pas compliqué. Je lui dirai que je passais par hasard dans le quartier. Voilà. Que j'ai vu de la lumière. Ah non! Non! Ne lui parle surtout pas de lumière, il connaît. Mais il faut bien que je trouve un prétexte. Mais non, au contraire. C'est une occasion inespérée de lui dire la vérité. Mais tu es folle, il va prendre ça très mal. Mais non, maintenant qu'il le sait, il va s'habituer. Bon, alors écoute, c'est pas compliqué. Je crois qu'il vaut mieux que je parte. Ah, mais non! Alors ça, si tu t'en vas, on ne se reverra jamais. Mais enfin, réfléchis! C'est tout, réfléchis plus jamais. Par contre, si tu restes... Non, mais dis donc, toi, à quoi est-ce que tu joues, là? Ah, mais moi, je ne joue pas. Je veux être sûre que tu m'aimes vraiment comme tu me le dis. Alors, je te mets au pied du mur. Ah, oui, en effet, c'est carrément une exécution, ça. Oui, oui, allez. Allez, fais-le pour moi. Hein? Alors, si c'est pour toi, je n'hésite pas. Je reste. Non. Oh, je t'adore. Oui. Moi aussi, je t'adore, mon chéri. Mais attention, hein. Il ne faut pas qu'il se doute que je t'ai dit qu'il était là. Ah ben non, ça bien sûr. Non, alors, non. Tu auras l'air très étonné de le voir, mais... et tu feras comme si tu ne t'y attendais pas. Non, non, non, non, tu peux compter sur moi. Ça, je sais. De toute façon, ce n'est pas ton mari qui me fait peur. Alors, qu'est-ce que tu attends, puisque tu n'as pas peur? Peur, moi, jamais, je fonce. C'est ma bise, alors je ne peux pas... Alors, embrasse-moi. Non, non, non, non, non, attends. Chérie, vois-tu mieux? Oh, pardon. Bonsoir, monsieur. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bonsoir, monsieur. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Non, en effet, je ne crois pas de... Ah! Bon, eh bien, je vais vous présenter, ce sera plus simple. Oui, mon mari. Oh, très heureux, monsieur. Monsieur Renard. Enchanté. Mon amant. Ah, c'est vous qui faites la bombe avec ma femme au lieu de la faire à sa clé? Oh, mais pas du tout, monsieur, absolument pas. Non, votre femme plaisante. C'est plaisante. Ça va vous être facile de me prouver que vous n'êtes pas ce qu'elle dit. Eh bien, c'est-à-dire que... Non, il ne peut pas. Ah, vous pouvez pas? C'est... Non, je ne peux pas. Non, puisqu'il est mon amant, n'est-ce pas? Oh, mais de quoi ai-je l'air? De quoi ai-je l'air? Non, non, c'est très gênant, ça. Et pour moi, vous croyez que c'est pas gênant? Oh, si, monsieur Lala, si. C'est d'autant plus gênant que je ne m'attendais pas du tout à vous trouver ici ce soir. Oui, et moi non plus, monsieur. Ça, je m'en doute. Non, mais écoutez, monsieur, je vais être très direct avec vous. Ben, je vois pas autre chose à faire. Alors voilà, je ne suis pas venu ici pour... Pour vous foutre de moi. Si, justement. Enfin, je veux dire non. Non, si j'avais pensé vous rencontrer, je ne serais pas venu, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Je m'en rends parfaitement compte. Je ne présente aucun intérêt pour vous. Oui. Non. Oh, non. Non, je veux dire, monsieur... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, comme vous êtes là, je pense qu'il est préférable pour moi de m'en aller. Ah, mais non, voyons. Mais non, restez, puisque ma femme vous le demande. Et puis ça tombe très bien que vous rencontriez, parce qu'il a quelque chose d'important à te dire. À moi? Oui. N'est-ce pas? Oh, ça n'a rien d'urgent. Si. Il faut qu'il sache que si tu es mon amant, tu n'as pas l'intention de rester. Ah bon? Vous en avez déjà assez? Oui. Ah non! Ah non, pas du tout. Non, votre femme veut dire... Qu'il m'aime vraiment. En plus? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui, quoi? Eh bien, en effet, monsieur, j'aime votre femme. Mon Dieu, que c'est désagréable. Quoi, d'aimer ma femme? Mais non, monsieur, d'avoir à vous le dire. Et il est tout à fait prêt. À quoi? Ben oui, à quoi? Eh bien, à m'épouser, dis-le-lui. Ah oui, en effet, monsieur, je suis tout à fait prêt. Vous voulez épouser ma femme? Voilà, c'est ça, il veut. Voilà, c'est ça. Je voudrais bien. Vous voudriez bien? Mais vous êtes complètement fou. Mais alors ça, complètement, monsieur, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Si votre femme ne m'avait pas poussé à vous le dire, je vous en aurais jamais parlé. Je t'avais dit que c'était complètement fou. En tout cas, vous manquez pas de culot. Qui, moi? Pourquoi, monsieur? Ben, vous me demandez la main de ma femme. Ben oui, voilà, c'est ça. Mais je ne suis pas son mari, je suis son père. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas son père, je suis son mari. Mais je sais, monsieur, je sais. C'est bien ce qu'il y a d'ennuyeux, mettez-moi ma place. Ben, et vous, la mienne. Oh, alors ça, c'est comme si j'étais, monsieur, comme si j'étais. Ça, c'est insensé. Ah oui, quoi? De te proposer le mariage. Est-ce que je suis d'accord? Là n'est pas la question. Vous pouvez pas épouser ma femme. Et pourquoi, monsieur? Parce qu'elle est mariée. Mariée avec qui? Franchement, pardon, j'oublie toujours que vous êtes son mari. Bah ouais, mais ça devient une mauvaise habitude, ça. Hein? Non, mais c'est pas ça, monsieur. Seulement, vous avez l'air d'accepter si facilement que votre femme... Je l'accepte ou que je ne l'accepte pas, ça ne regarde que moi. Je sais bien. Je vous trouve tous les deux dans les bras l'un de l'autre et vous m'annoncez froidement que vous voulez vous marier. Enfin, rendez-vous compte. Non, mais ça, c'est dur, c'est très dur, je le reconnais. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Oui, ben dans la vie, jamais de la vie. Et pourtant? D'abord, dans la vie, le mari ne connaît jamais l'amant de sa femme. Ah. Ou s'il le connaît, c'est pas que c'est son amant. Ah oui, pourquoi? Ben parce que dans la vie, ça se fait pas. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu faire, ça. Il a raison, ça doit pas se faire. Ah, s'il m'avait dit qu'il venait changer la moquette ou réparer le tuyau à gaz, à la rigueur, j'aurais pu le croire. Mais c'est ce que j'aurais dû dire, ça! Mais oui, mais vous ne l'avez pas dit. Il a de but en blanc me dire, bon sang, monsieur, je suis l'amant de votre femme. Ça va pas, ça? Oui, en somme, tu nous reproches notre franchise. Oui! Ah! Alors ça, j'en étais sûr. Oui, je vous l'approche à tous les deux. Parce que quand on est franc comme vous l'êtes, c'est qu'on tient au chaud. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Eh bien, comme ça, c'est net. Beaucoup trop. Puis ce sera facile de divorcer. Oh non, c'est très gênant, ça. Et si je refuse? Tu aurais bien tort. Comme ça, tu pourras épouser ta maîtresse. Ah, parce qu'il l'a... Vous avez eu... Oui. Oui. Il a été très franc comme nous. Il m'a dit qu'il avait une maîtresse. Oh, ben ça alors? Comment ça alors? Vous aussi, vous êtes pourvu? Ah oui, bien sûr. Oui. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Je vous remercie, je me plains pas. Mais il manquerait plus que ça. Non, simplement, il avait oublié de me parler de ses autres femmes. Ah, parce que vous en avez plusieurs! Mais ça vous regarde, vous? Oh, on a sonné. Oui, c'est pour moi. Sa maîtresse. Comment? Vous avez entendu ce que ma femme vous a dit? C'est ma maîtresse. Mais comment? Parce que vous allez la recevoir ici. Et alors? Vous êtes bien chez la vôtre. Pourquoi je pourrais pas recevoir la mienne en plus chez moi? Non, mais moi, je pensais que vous plaisantiez. C'est ça. Vous croyez tout permis avec ma femme, et moi, j'ai juste le droit de plaisanter. Mais pas un quart de seconde. Maman, je trouve cette situation tellement curieuse. Oui, ben c'est peut-être curieux. Mais il faudra vous y faire. Et quand nous aurons divorcé, vous épouserez ma femme. Et elle prendra un amant. Moi, peut-être. Oh, ça, non, par exemple! Et alors, j'ai pas la gueule de l'emploi, non, moi? C'est pas ce que je voulais dire. Ah, faites attention à ce que vous dites, hein. Vous savez, je peux machin un blazer comme le vôtre, avec des pantalons comme les vôtres, avec une cravate comme... Ah non, les moches. Avec des chaussures comme les vôtres, comme ça, je serai plus grand que vous. Bon, eh bien, tu me la présenteras dans 5 minutes. Ah, vous savez, on va te la présenter? Vous allez la lui... Eh oui, j'ai fait venir exprès. Oh, ouais, ça, alors? Allons dans le bureau. Dans le bureau, oui. Comment ça, alors? Vous voulez pas me tenir la main, non? Ah, bah non, ça, bien sûr, non. Tu vois bien qu'il veut rester seul avec elle. Oui, non. Eh ben, sortez! Oui! Allez, viens! Oui! Sortez! Qu'est-ce qui m'énerve, ce mec, hein? Encore toi? Oh oui, tu vois, je suis désolée de te déranger. Non, non, allez, tu me déranges pas, dépêche-toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, figure-toi qu'il y a 20 minutes que je cherche les clés de ma voiture, j'ai vidé 5 fois mon sac sur le trottoir, impossible de les trouver. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Parce qu'elles ne sont pas dans mon sac, c'est qu'elles sont ici. Et pourquoi? Parce que quand je suis venue tout à l'heure, je les avais. T'es sûre? Bah, absolument, je garde toujours les clés de ma voiture à la main pour montrer que j'ai une voiture. Bon, eh bien alors, cherche ces clés. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Ah, dis-moi, tu es seule? Bah oui. Oh, dis donc, quelle histoire, hein? Ah ça, oui, quelle histoire, hein? Mais alors, qu'est-ce qui t'a pris d'aller tout raconter à ta femme? J'ai rien raconté de tout ça. C'est toi qui as parlé. Cherche ces clés. Bah, oui, mais tu vois, comme vous m'avez dit de dire toujours la vérité, eh bien, moi, j'y pensais. Oui, ben, pense-moi, cherche ces clés. Où est-ce que j'ai bien pu les mettre? Mais j'en sais rien, cherche-les. Oui. Bon, faudra que je dise que c'est pas vrai, hein, que j'ai raconté tout ça pour rire. Ah non, maintenant que t'as dit la vérité, tu continues, hein. Oh, je dois continuer à la dire? Eh oui, maintenant que le plus gros est fait, cherche tes clés. Eh ben, j'ai compris. Toujours la vérité d'entrée. D'entrée, c'est ça. Alors, ces clés. Oui, ben, je les cherche. Oh, je vois bien que je te dérange. Oui. Tu es pressé? Oui. Tu attends quelqu'un? Oui. Ah, tu as un rendez-vous? Oui, avec ma maîtresse. Hein? T'es sourde ou quoi avec ma maîtresse? Maintenant? Oui, maintenant, et alors? Mais, tu l'attends ici? Bah, évidemment, puisque j'y suis. Arrête de chercher par terre, tu vois pas qu'elle nous entend. Oh, mais alors, dis donc, alors ça, t'as un de ces culots, hein? Recevoir ta maîtresse ici pendant que ta femme est sortie? Bah, elle est pas sortie. Bah, tu m'as dit que t'étais seule. Bah, je suis seule ici, mais elle est à côté, cherche ses clés. Oh, Jacqueline est à côté? Et alors, qu'est-ce que ça d'extraordinaire? Mais enfin, mais elle pourrait entrer, la voir. Et alors? Bah, et alors, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais rien, elle le sait, cherche tes clés. Elle le sait? Eh oui, je lui ai dit. Tu le lui as dit? Oh, mais c'est ahurissant, je rêve. Oh non, rêve pas, cherche tes clés. Alors, ça, dis-toi. Dis-moi, alors, si je comprends bien, hein? Ta maîtresse va venir, ta femme le sait, évidemment. Et elle est à côté en attendant tranquillement que ça se passe, c'est ça? Tranquillement, tranquillement. Elle est avec son amant. Hein? Quoi? C'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Oh, mais c'est inouï, tu me fais marcher. Oh non, marche pas, cherche tes clés. Ah, dis-donc, alors ça. Ah, d'abord, comment sais-tu que c'est son amant? Mais parce qu'elle me l'a dit. Elle te l'a dit? Et lui aussi me l'a dit. Ah! Lui aussi te l'a dit? Eh oui. Oh, ben ça, j'en reviens pas. Dis donc, qu'est-ce que vous avez comme souffle? Oui, ben cherche tes clés. Ben je les cherche, c'est pas bon. Mais on se dit tout, alors. Ah, ben oui, toujours à ton fameuse vérité. Oui, allez, cherche tes clés, cherche tes clés. Ah oui, c'est formidable, hein. Ah, c'est formidable. Mais pour ça, il faut avoir du souffle. Cherche tes clés, cherche tes clés. C'est encore toi. Ben oui, j'ai perdu les clés de ma voiture. Elle a perdu les clés de sa voiture. Les clés de sa voiture. Vous auriez pu trouver quelque chose de mieux. Vous mentez encore plus mal que je ne pensais. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais très bien. Tu as pris le prétexte de mon amant pour renouer avec elle. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui trouver? Oh, c'est pas gentil ce que tu dis. Non, mais écoute, Jacqueline, calme-toi. Mais là-dehors, je dis assez bien. Oh, écoute pas, chérie. Et toi, tais-toi. Mais non, mais je vais t'expliquer. Non, rien du tout. Jacqueline. Oh là là, que c'est embêtant, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Hein? Ah, ça, c'est mes clés. Oh, les dents, hein? C'est mes clés. Alors là, elle m'énerve, hein. Allez, va-t'en, maintenant. Oh, oui, on promet que je m'en aille, ah, hein. Oui, ah, oui. Parce que tu sais, pour vivre ici, c'est pas tout rose, non, hein. T'as raison. Faut avoir un drôle de souffle. Alors, c'est ça, le souffle oui, que vous ben, avez, c'est moi, oui, vraiment, je sais, alors, je sais, allez, ça. Oh, ben, voilà autre chose. J'allais juste de zoner. Eh ben, tu vois, c'est pas la peine. Tu sais, la femme a oublié de donner à moi la clé maison. Ben, c'est pas grave, allez. La voilà, c'est elle. Hein? Mais non, ça, c'est ma bonne allemande. La petite Marie-Louise. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, voilà, et on vient rejoindre son amant, hein. Comment? Tu as raconté à la femme? Quoi? Que j'ai l'amant? Bah, j'ai rien raconté du tout. Ah, et pour la clé? Eh ben, madame, elle t'adorera demain. Allez, va. Ah, souristique d'assister. C'est ça, réchi. Allez, good. Allez, goodbye. Mais dis-moi, Jacqueline va lui donner les clés de la maison? Ben oui, alors. Ben oui, alors? Oh, ben alors ça, c'est souffle, hein. Et pourquoi? Ah, ben pour trouver beaucoup de femmes qui donnent la clé de chez elles à la maîtresse de leur mari, tu sais. Donc, ça va être bonheur, hein. C'est ma bonne! Oh! Ah, c'est ta bonne! En plus! Ben oui, alors. Oh! Ah, ben alors ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris? Oh, ben je sais pourquoi ta femme sait que tu attends ta maîtresse ici. Ben pourquoi? Oh, ben c'est évident! C'est parce que tu es l'amant de ta bonne! Hein? Ah oui, d'accord. Oh, allez, allez. allez, t'as trouvé, je suis la maman bonne. Non, allez, c'est ça, va. Vous avez un drôle de souffle. Oui, c'est ça, allez, va souffler dehors. Allez, va souffler dehors. Allez, va. Allez, allez, allez, va souffler dehors. Oh là là, c'est embêtant. Une femme, ça va? Trois femmes, je suis pas sorti de l'auberge. Hein. La clé? Oui? Tu veux venir une semaine, je voudrais dire un mot. Ça y est, tu as inventé un nouveau mensonge? Mais je te jure qu'il n'y a plus rien entre Brigitte et moi. C'est une erreur de jeunesse. Et tu voudrais que je te croie? Enfin, réfléchis, s'il y avait encore quelque chose avec elle, elle serait pas venue ici ce soir. Bon, alors si elle n'est plus ta maîtresse, où est l'autre? Enfin, la nouvelle. J'en sais rien. C'est ça, c'est perdu, on ne la retrouvera jamais. Mais non, elle est souvent en retard. Ah, qu'est-ce que tu attends pour lui offrir une montre? Ah ben, je vais y penser, tiens. Dis donc, à propos, elle s'appelle comment, cette maîtresse invisible? Jennifer. Oh, c'est un prénom anglais, ça? Ah, évidemment. Pourquoi elle est anglaise. Ah bon, parce que tu parles anglais, toi? Oui, je me débrouille. I love you, you are very beautiful, my darling, I have my pencil, tu vois, je me débrouille. Oui, c'est intéressant. Enfin, tant qu'à faire, tu n'aurais pas pu choisir ta maîtresse en France, hein? Oh, tu sais, pendant les vacances, on prend ce qu'on trouve. Hein? Oui, tu as donné dans l'exotisme. L'exotisme anglais, ça serait plutôt le marché commun. Oh, là, c'était... Bon, je te laisse, avec ton insulaire. Enfin, toi! Ah non, surtout ne me dis rien! Tu peux me dire bonsoir! Ah, ben oui, ça bonsoir, bien sûr! Mais ne me dis surtout pas que je suis en retard! Je te le dis pas, puisque tu me le dis. Mais j'ai décidé de t'acheter une montre. Écoute, je suis venue à pied, je me suis trompée de rue, alors tu sais, même avec une montre... Ben alors, je t'achèterai pas de montre. Mais entre nous, c'est inutile. L'heure n'a pas d'importance. Enfin, pour moi, l'essentiel, c'est que je te retrouve. C'est gentil, ça. Mais c'est vrai. C'est encore plus gentil, ça. Tu sais, quand tu m'as téléphoné... Eh bien, j'ai senti tout de suite, avant que tu parles, que tu allais me demander de venir. Ah bon? Tu l'as senti? Ah oui, oui, oui, oui. Instinctivement, comme ça. Et t'as rien senti d'autre? Ben non. Enfin, j'ai senti que tu avais très envie de me voir. Même si je suis dans ta vie uniquement pour te venger de ta femme. Et alors, elle a un amant, pourquoi j'aurais pas une maîtresse? Oh, bien sûr. Et je sais que c'est pour ça que tu ne veux pas qu'il y ait de sentiments entre nous. Attention, c'est ce qu'on avait convenu, hein? Bien sûr. Mais pourtant, je suis en train de changer. Et comment? Eh bien, je me sens petit à petit devenir ton amie. Bah, y a rien de changé, tu sais. En amour, amie et maîtresse sont synonymes. Quoi qu'une amie soit rarement votre maîtresse, une maîtresse jamais votre amie. Oui, oh, ben oui, mais moi je disais amie dans le sens de... Ben, de l'affection, de la tendresse. Mmh. Ben, tu comprends? Mais oui, je comprends. Mmh. Oh, j'ai toujours été trop sentimentale. Ben oui, mais si j'avais pas été mariée, on se serait jamais rencontrés. Ah oui, mais comme moi je suis libre, j'ai tendance à l'oublier. Surtout la première fois que je viens chez toi. C'est très joli. Je suis ravi que ça te plaise. Tu veux voir quelque chose? Oh oui, oui. Ben comme toi. Bon, maintenant, je vais te dire pourquoi je t'ai fait venir ici ce soir. Oh, ben ça je sais, hein. C'est parce que ta femme est partie. Non, c'est parce que je t'ai menti. Ah bon? Quand je t'ai téléphoné, elle n'était pas encore partie. Ah bon, elle est partie après? Non, elle n'est pas partie du tout. Ah, elle a su que j'allais venir? Non, son amant est arrivé. Où? Elle est là, avec lui à côté. Et tu la laisses recevoir chez toi quand tu es là? Et alors? Elle la recevait quand j'étais pas là, c'était pire, non? Ah oui, peut-être, bon, et alors? Alors voilà, elle m'a présenté son amant, elle veut l'épouser, ça ne me plaît pas du tout. C'est pour ça que je vais parler de toi ce soir. À son amant? Mais non, à ma femme! Ah oui, oui, et tu veux que je lui avoue que je suis ta maîtresse? Non. Bah, alors, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu lui fasses croire que tu es la maîtresse de son amant. Mais pourquoi? Parce que maintenant, je veux tout embrouiller. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. D'abord, il faut que tu changes de prénom, elle connaît ton prénom. Comment veux-tu t'appeler? Oh, bah, aucune idée. Barbara? Mais non, Barbara, c'est un prénom anglais, c'est que anglais. Eh bien alors, Brigitte? Oh non, pas Brigitte! Oh là là! Oh là là! Oh, surtout pas Brigitte! Bah, écoute, écoute, je sais pas, moi, Jacqueline. Jacqueline, sans bêtise, c'est le prénom de ma femme. Ah. Après tout, t'as raison, ça sera plus vrai. Bon, bon, et le mensonge, enfin, il faut trouver un prétexte pour lui faire croire que ce garçon et moi... Eh ben, tu lui diras que t'étais 25 fois chez lui. Oh, mais tu es fou, enfin, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Mais attends, je vais te donner des détails sur lui. D'abord, il est très grand, hein. Il habite rue de Grenelle, il travaille à Saclay. Il a un petit dufy bleu et rose, et il s'appelle Robert. Robert? Robert comment? Ça, je sais rien. Oh. Non, mais c'est pas grave, tu le connais trop pour l'appeler par son nom. Bon, enfin, voyons, Jean, écoute, je pourrai jamais. Écoute, je t'en supplie, c'est un service d'amis que je te demande. Je vous assure, mademoiselle, que vous vous trompez. Ah, non, monsieur, j'en suis certaine. Oh, oh, ben, pardon, madame. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai vu entrer chez vous quelqu'un que je connais très bien. Ah bon? Et drôle de raison, hein. Et alors? Et alors, justement, j'étais en train d'expliquer à mademoiselle que, dans l'obscurité, elle avait dû confondre notre porte avec la... celle d'à côté, là. Non, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous ne connaissez pas mon mari. Et pourquoi elle me connaîtrait? Ah bah oui, pourquoi? Enfin, vous êtes drôles tous les deux, enfin, soyez raisonnables. Avouez. Mais avouez quoi, madame? Mais que vous êtes sa maîtresse. Ça? Oh bah voyons, madame, oh, quelle idée. Mais enfin, si vous êtes là. Parce que la personne que j'ai vu entrer n'est pas ressortie. Alors, bah, je me suis finalement décidée à vous déranger. Il n'y a que les Anglaises pour avoir autant de sans-gêne. Ah bon? Vous êtes Anglaise? Mais pas du tout. Ah oui, je me disais aussi... Vous n'avez pas d'accent. Et depuis que des générations d'Anglais nous obligent à apprendre leur langue parce qu'ils ont la paresse d'apprendre la nôtre... Une Anglaise sans accent, ce n'est pas concevable. Mm-hmm. Dites-moi le temps qu'il fait à Londres, mademoiselle. À Londres? Oui. Je sais pas, moi, madame. Du brouillard. Je suppose, hein. Il y a toujours du brouillard. Oh là là! Quel sale temps! Comment vous appelez-vous? Jacqueline, bourgeois. Jacqueline, comme moi. Quelle coïncidence, comme toi. Alors ça, c'est incroyable. Alors comme ça, vous n'êtes pas... Non, non, elle n'est pas... Vous t'as encore fait faux bond, n'est-ce pas? C'est tout de même pas de ma faute si jamais celle que j'attends qui arrive. Oh, je suis vraiment désolée d'avoir insisté, madame. Mais non. Alors comme ça, vous avez vu entrer quelqu'un? Oui, madame. C'est ahurissant, hein. J'y pense. Oui. Mademoiselle a dû voir entrer. Ah oui, pourquoi lui? Mais qui veux-tu que ce soit? Personne n'est entré ici ce soir à part lui. Et vous connaissez bien la personne qui est entrée? Ah oui, très bien. Et c'est un parent à vous? Oh ben, si on peut dire, hein, enfin, beaucoup plus intime qu'un parent. Mon Dieu, comme c'est amusant! Mais plus on est de faux clients. Monsieur, vous êtes là, monsieur? Oui, monsieur, oui. Ne restez pas seul, mon petit bonhomme. Entrez, ne restez pas seul. Ah! Oh oui! Oh ben c'est lui! Comment? Oh, c'est bien toi! Montre-toi! Non, mais tu la connais? En tout cas, je sais pas s'ils se connaissent, mais ils ont l'air bien accrochés, hein. Mais pas du tout! Bonjour, madame. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Non, mais voilà, de toute façon, je vous interdis, m'appelez-moi l'amour. Mais devant tout, ça ne fait rien. Ce sont des gens très gentils. Oui, bon, allons, voyons, voulez-vous me lâcher? Vous voyez bien, madame, que je m'étais pas trompée en sonnant chez vous. Non, justement, je ne vois rien. Mais lâchez-moi! Oh, mais pourquoi est-ce que tu fais semblant de pas me connaître, voyons? Et oui, pourquoi? Mais parce qu'elle ment, vous mentez. Ah, ça y est, j'ai compris. Quoi donc? Tu veux faire marcher? Mais pas du tout. Oh, alors mon amour, je te pardonne. Mais embrasse-moi. Mais il n'en est pas question. Non, mais enfin, oui ou non, est-ce que tu la reconnais? Mais non. Oh, ben, tu me fais beaucoup de peine. Non, alors écoutez, mademoiselle, je vous prie de cesser immédiatement cette plaisanterie, là, goulouteux. Chez toi, rue de Grenelle? Oh, ben, tu es bien plus gentil. Hein. Rue de Grenelle? Mais il n'est jamais venu chez moi, jamais. En tout cas, je connais votre adresse. Mais si! Mais pourquoi est-ce que tu me joues cette comédie, voyons? Oh, vous savez que je ne suis pas allée chez lui depuis 5 jours et 5 nuits? Mais vous ne l'avez pas amené chez moi, d'abord. Oh, mais qu'est-ce que tu as, chérie? J'ai que je vous interdis de m'appeler chérie, mais tutoyer, c'est extrêmement désagréable, voilà ce que j'ai. Oh, vraiment, je comprends pas pourquoi il est comme ça, hein, parce que... Oh, je l'adore! Et il m'adore! Enfin, c'est ce qu'il me dit quand il est dans son bain! Oh. Mais c'est inimaginable, ça. Oui, c'est inimaginable. Oh, mais comment? Oh, tu ne certainement pas tout le temps te savonner dans le dos. Mais non, j'ai rien demandé, non. Oh, et tu veux toujours qu'il y ait beaucoup de mousse. Ah, vous aimez la mousse, vous? Mais pas du tout. Ah, moi, j'adore la mousse. Quand je suis dans ma baignoire, j'ai une paille, je fais des bulles. Mais je deviens fou. Oh, si, il aime quand c'est plein de mousse. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle se taise? Vous faites affaire, vous. Mais je peux rien lui dire, moi. Je suis pas intime avec elle. Mais moi non plus, figurez-vous. Je comprends que cette situation soit très gênante pour vous. Ah oui, d'autant plus qu'elle est fausse. Ah ça, pour une situation fausse, c'est une situation fausse. Faut vous dire, mademoiselle, que vous n'avez peut-être pas choisi le meilleur moment pour étaler votre intimité devant ma femme avec lui. Pourquoi pas? Parce qu'il a également une très grande intimité avec ma femme. Avec votre femme? Oui. Je sais pas si elle le savonne dans le dos. Oh, je t'en prie, hein. Enfin. Oh, je t'en prie. Faut que j'explique. Vous me expliquez que si monsieur fait semblant de ne pas connaître mademoiselle, c'est parce qu'il veut t'épouser. Comment? Vous épousez, vous? Mais nous devons nous marier dans un mois. Oh, le salaud! Oh, mais jamais de la vie! Mais c'est une folle! Vous êtes une maniaque! Ah oui! Oh oui! Oh oui, maniaque de ton petit Dufy! Bleu et rose! Oh, je rêve! Oh oui! J'en rêve, comme tu me l'as promis! Mais jamais! Mais si, enfin! Voyons, écoute, tu m'avais dit... Je rêve! Vous savez que je rêve en ce moment, là! Eh ben, réveille-toi, voyons! Mais avoue, mon chéri! Avouez, lâche, avouez! Mais je n'ai rien à avouer! Et je vous l'interdis de m'appeler chérie! D'abord, vous ne savez même pas comment je m'appelle. Enfin, ne sois pas bête, Robert, mon trésor. Robert, mais Robert, comment? Oh, tu es stupide, mon amour. Ah, ben vous voyez, tu vois, elle ne sait même pas comment je m'appelle, là, elle est coincée. Coincée? Oui. Mais ton nom, mais tout le monde peut lire sur la porte de ton bureau à Saclay, mon trésor. Oui, alors là, je suis victime d'une machination. Non, fais quelque chose, s'il te plaît. Oui, bien sûr. À propos, est-ce que vous aimez les chevaux, mademoiselle? Moi? Oui. Je vois pas du tout le rapport. Ah, mais il y en a pas. Mais pourquoi tu lui demandes si elle aime les chevaux? Parce que quand quelqu'un prononce le nom d'un animal, on sait tout de suite s'il lui est sympathique ou pas. Ah, vous voulez que je vous parle des chevaux? Oui, eh bien, rien qu'à votre ton, je sais que vous aimez les chevaux. Eh bien, c'est très bien. Elle aime les chevaux, t'aimes les chevaux, oui. J'aime les chevaux, vous aimez les chevaux, vous? Ouais. Et alors, tout le monde aime les chevaux, et vous aimez les chevaux? Oui, moi j'aime bien les chevaux. Ah, tu dois être contente. Oui, ah oh, oui, ça, je suis très contente. Oui, naturellement, vous aimez aussi les chats, les chiens, les chameaux? Oui, j'aime aussi les chiens et les chats. Les chameaux, peut-être un peu moins. Je m'en serais douté rien qu'à votre ton. Tu crois que c'est vraiment le moment de faire des thèses zoologiques, toi? Non, mais est-ce que vous aimez les grenouilles? Ah, moi, j'adore les grenouilles. Avec trop d'ail, c'est toujours embêtant pour la main. Mais moi, vous aimez les grenouilles, vous? Non, j'en sais pas, vous. Eh ben, au froid des moules. Non, mais est-ce que vous les aimez vivantes? Les moules? Mais non, les grenouilles. Oh, oui, je les trouve charmantes. Oh, je serais ravie de vous l'entendre dire. Hein? Eh bien, oui, je les aime. Non, allez, mieux que ça. Hein, mieux que ça. Bah, oui, j'aime les grenouilles. Encore une fois. Oui, j'aime les grenouilles. Merci, mademoiselle, c'est bien ça. Vous êtes anglaise. Oh, mais non. Mais si, tout le monde sait que le mot grenouille est le seul que les Anglais ne pourront jamais prononcer sans accent. Vous venez de me dire grenouille comme God Save the Queen. Oui, Mike Taylor est rich. Hein? Oh, je suis désolée, Jean. Non, c'est pas grave. Donc, vous êtes sa maîtresse? Ah oui, madame. Oh, enfin, la vérité. Alors, pourquoi avoir inventé cette histoire? C'est la guerre, chacun ses armes. Hein. Ouais. Eh bien là, c'est moi qui marque. Oh, voilà. Juste une petite grenouille. Bon, maintenant, laissons tomber le grenouille et revenons à nos moutons. Cher monsieur, est-ce que vous êtes toujours décidé à épouser mon femme? Mais naturellement. Ah. On a sonné. Qu'est-ce qui peut bien venir nous déranger à cette heure-ci? Alors ça, aucune idée. Hein? Bon, allons l'attendre à côté. Oui, allez, vite, partons, parce que... On a sonné, Herr Doktor. Eh ben oui, ben tu vas ouvrir. Ouvrir comme toute nue? Mais t'es pas toute nue, t'es ravissante, tu vas ouvrir, tu dis qu'il y a personne. Personne? Mais dehors, il voit lumière. Ça va pas recommencer avec la lumière. Quand t'es seule, tu restes pas dans l'obscurité, tu t'éclaires. Ah, y a la nuit naturelle. Bon, alors tu vas ouvrir et tu dis qu'il y a personne. Personne maison. Oui, moi pas là. À part Herr Doktor. Non, moi pas là, alors va ouvrir. Personne. Ya, verstanden. C'est ça, et personne ne... Ya. Ah, enfin! C'est pas trop tôt, hein! Allez, avance, toi, là! pas de bébé maintenant, hein. Vous pas rester. Pas rester. Nein, nein, personne maison. Personne maison. Ja, ja, nicht in maison, Herr Doktor. Herr Doktor. Ja, ja, nicht. Herr Doktor, parce qu'en plus de ça, il se fait passer pour un docteur. Ja, ja, nicht Doktor. Nicht Doktor. Alors la voilà, cette fameuse bonne qui a la bénédiction de Jacqueline. Oui, c'est elle. Bon, alors, où est-ce qu'il est? Mais bébé, elle t'éduque à personne. Toi, tais-toi. Alors, comme ça, on sort de son petit lit douillet, hein? Ya, ya, moi sorti du lit, debout, levé. C'est ça, oui. Avant de se lever, on faisait gros dodo avec le docteur, hein? Comprends pas, tu dis quoi? Mais ma parole, elle me tutoie, là. Mais bébé, elle est allemande. Mais raison de plus, je ne vois pas pourquoi je me laisserais tutoyer par une touriste. Allez, va chercher ton docteur. Nein, nein, personne maison. Bon, alors écoute, personne pour les autres, hein? Mais moi, je suis ami, moi. Big friend du docteur, hein? Et ma woman aussi, grosse amie du docteur. Alors tu vas chercher ton docteur tout de suite, hein? Nein, nein, personne maison. Bon, alors je casse tout. Nein, ich casse, nein. Ja, ja, lös, casse, du kaputt. Nein, nein, du musst nicht kaputt machen, das ist nicht möglich. Non mais qu'est-ce qu'elle dit, là? Je ne sais pas, bébé. Bon, toi, Atum, hein? Ja, ja. Tu vas chercher ton docteur tout de suite ou sinon je fais péter la maison. Nein, ich pète la maison, non. Ja, ja, Brum, nix, plus rien. Toi, fais nix, plus rien. Moi, fais nix, plus rien. Alors, je t'en donne, alors tu vas chercher ton docteur tout de suite, hein? Sinon, Brum. Mais bébé. Je t'apprends, verstanden. Ja, ja, verstanden, verdammt, ich gehe, ich weiß nicht warum, ich kann nicht etwas hören. Das ist eine wahre Schirrli, diese Franzosen. Tu vois bien qu'il est là, hein? Bébé, pourquoi tu t'énerves? Mais parce que t'es encore plus bête que je ne pensais. Oh, mais je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans tous tes états. Non, mais y a de quoi, non, hein? Mais Jacqueline accepte ça très bien. Eh ben, mais Jacqueline, elle fait ce qu'elle veut, Jacqueline, mais moi, c'est moi. Et tu ne vas tout de même pas me faire croire qu'il est au courant de tout, non? Mais si, il lui a raconté toute la vérité. Ah, oh, la vérité, la vérité. Eh ben, la mauvaise mine, cette vérité. Très mauvaise mine, tu entends? Mais oui, je t'entends, bébé. Ah! Alors comme ça, c'est toi qui veux tout casser. Oui, tu vois, c'est moi. Comment ça va? Mal, très mal. Ouais, en effet, t'as l'air nerveux. Nerveux, c'est tout ce que tu trouves à dire. Marie-Louise peut aller dormir. Oui, c'est ça, allez, va, va, va. C'est ça, oui. Dès que je le lâche, il ira te rejoindre. Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai deux mots à te dire. À ce soir-ci? Je me fous de l'heure. Ah, tu te fous de... Complètement. Tu préfères pas revenir demain? Non. Non, mais bah, ce soir, je suis occupé. Oh, ça, je le sais, ça. Ah bon? Comment tu le sais? Je sais que tu as une activité nocturne débordante. Débordante, c'est beaucoup dire. Débordante convient très bien, hein? Parce que justement, tu débordes. Eh ben, je déborde peut-être, mais ce soir, nous recevons. Oui, mais moi, que tu reçoives ou pas, je m'en fous. Tu te fous de tout, toi? Oh non, pas de tout, non. Tu sais ce que c'est, ça, là? Oh, ça, c'est un vilain geste de colère. Oh, je t'en prie, hein! C'est pas parce que tu es un architecte connu qui construit des tas de buildings où il y a que des fenêtres que ça te donne le droit de te foutre de moi, hein? Oui, et ben toi, c'est pas parce que je t'achète toutes tes voitures que ça te donne le droit d'être aussi agressif. Et je te préviens tout de suite que si tu continues... Je t'achèterai plus de voitures. Ne me pousse pas à bout, hein? Pas t'emballer comme ça, mon gros. Mais oui, bébé, tu t'emballes. Oh, tais-toi, toi! Mais dis donc, tu manques pas d'air, toi, hein? Pourquoi? Pourquoi? Oh, mais fais pas l'imbécile, veux-tu? Elle vient de tout me raconter en détail. En détail? À toi, elle aurait dû le dire en gros. Hein? Pas en gros! En détail! Mais quoi en détail? Quoi en détail? Quoi en détail? Allez! Dis-lui quoi en détail? Bien que pendant que Jacqueline était à la bourboule, eh bien, toi et moi... Enfin, ben, nous deux, quoi. Oh là là, que c'est embêtant. Hein, embêtant? Embêtant, mais je ne te le fais pas dire, hein. Elle vient me réveiller dans mon premier sommeil, alors que je ne marche qu'à la papaverine, moi. Elle marche à l'aspirine, alors. Hein? Pour me claironner triomphalement que tu as couché avec elle. Mais pourquoi t'étais lui raconter ça, toi? Oui. Parce que c'est la vérité. Ah! Voilà son grand mot, la vérité. Parce que madame ne dit que la vérité, n'est-ce pas? Ben oui. Jacqueline et toi, vous m'avez dit qu'il fallait toujours la dire. Alors moi, j'ai préféré la lui annoncer moi-même plutôt qu'il la prenne par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pensé que ça l'énerverait moins. Ah, ah, ah, que ça m'aimait, que ça m'aimait, que ça m'énerverait moins. Hein, hein, non mais écoute-la. Écoute-la. Non, mais Jacqueline ne veut pas tant d'histoire. Ah, oui, parce que ta femme, Ta femme est parfaitement au courant, paraît-il. Ben, vous ne manquez pas d'air, toi et ta femme, hein? Car en plus de ça, tu couches avec ta bonne, toi. L'autre chose. Mais c'est toi qui m'a dit. Et c'est toi qui le lui a dit. Et ta femme le sait aussi très bien. Et tout le monde le sait. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi je me mets loin, parce que ta bonne a l'air enchantée, ta femme est ravie. Et moi, je suis très content. Alors? Alors, eh ben, écoute, j'ai appris aussi avec intérêt que ta femme reçoit son amant. Pendant que toi et ta bonne... eh ben, vous ne manquez pas d'air. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde, hein. Mais en ce qui concerne Brigitte et toi, ça ne va pas se passer comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Tu oses me demander pourquoi? Oui, j'ose. Et qu'est-ce que tu fais de mon amour propre, hein? T'en as, toi? Un peu, oui. Et qu'est-ce que c'est? Ouh là là, mais je te préviens que je vais frapper, hein! Oui. Tu vas pas frapper un homme qui a pas de lunettes, hein? Bébé chéri, pose-le! Attends. Toi, tais-toi! Attends une minute. Jacqueline! Oui? Tu veux laisser ton amant une seconde et venir? Qu'est-ce que je te disais? Ouais, c'est ça, je sais, il manque pas d'air. Encore toi, mais tu quittes plus la maison, hein? Bonsoir, ça va? Bonsoir, pas du tout. Pas du tout, mais pourquoi ça? Figure-toi que Brigitte est allée lui raconter qu'elle et moi, enfin, que nous deux... Non, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et il paraît que tu trouves ça très bien. Oui, ça t'est égal, tu m'as dit toi-même. Dis, elle est gentille, ta femme, elle est idiote. Idiote? Pourquoi idiote? Mais c'est vous-même tous les deux qui m'avez dit qu'il fallait toujours de la vie. Tais-toi! Tu m'as sonné, Herr Doktor? J'étais dans le lit. Elle te chauffait la place. Bon, ma petite Marie-Louise, est-ce que tu as un amant? Docteur! C'est pas une réponse, hein? T'as un amant ou t'as pas d'amant? Oh, tu sais bien que j'en ai un. Bon. Eh bien, nous aussi, nous le savons, hein? Tout le monde le sait. Est-ce que c'est moi qui suis ton amant? Toi? Oh non, docteur, c'est pas toi. Ah, tu vois, ça a fait rire, la preuve que c'est pas moi. Mais tout de même, vous avez un amant? Ah oui, il y a, pour aller au restaurant. Hein, au restaurant? Oui, seulement restaurant, je dors pas avec lui, je dors avec personne avant mariage. Moi, jeune fille, verstanden! Quoi? Jeune fille? Parce qu'en plus de ça, c'est une jeune fille! Je ne sais pas, bébé, mais je m'avais dit... Tais-toi, hein! Vous pouvez aller vous coucher tranquillement, Marie-Louise. Ya, ya, dans le cushion, Frau Doktor. Oh, docteur! Diese Franzosen, alle zinzin! Eh bien, tu vois, oui. Je suis ravi d'apprendre ce soir que nous avons chez nous une vierge allemande du 16e. Du 16e? Du 16e arrondissement. Ah oui, très drôle, très drôle. Bon, d'accord, passe pour ta bonne, hein. Mais en ce qui concerne Brigitte et toi, ça ne va pas se passer comme ça. Mais demande à Jacqueline, je lui dis tout. N'est-ce pas que je te dis tout? Ah oui, tout. Enfin, si elle te l'aurait dit, comme je lui ai dit... on se serait dit. Enfin, on l'aurait dit. Elle l'aurait dit. Et puis on l'aurait dit. Et puis, voilà. Oui, oui, enfin, il ne faut pas raconter des mensonges comme ça à ton mari. Ça pourrait nous fâcher. Mais c'est la vérité. Mais car rien ne me prouve qu'elle ne m'a pas dit la vérité. Hein. Ben non, soyons raisonnables. Toi qui es intelligent. Oui. Hein, comment peux-tu penser une chose comme ça, hein, qu'entre Brigitte et moi... Allons, soyons sérieux. Ben écoute, moi je trouvais ça bizarre. Ben ça prouve bien que c'est faux, sans ça elle ne t'aurait rien dit. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'elle m'a raconté tout ça? On l'a un peu poussé. Il faut bien de temps en temps inventer des histoires. Eh oui, hein? ça pimente l'existence. Oui. Ah non, ça pimente. mais c'est ça, voilà. Je comprends. Bébé, moi j'ai pas compris. Ouais, évidemment, tu comprends rien, toi, hein, mais tu ne comprendras pas qu'ils se sont servis de toi pour me mettre en rogne. Voilà, c'est ça. Bah, bien sûr que j'ai compris. Bah oui, toi, avec Brigitte. Alors que tu es une femme ravissante. Hein. mais bien sûr que j'ai compris. À cause de toi, bah, maintenant, j'ai vraiment les rigots, là. Hein. T'as ton air habituel, mon gros. Hein? Ah, oui, oui, bien sûr, mais enfin, il vaut mieux avoir les rigots que cocu, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Ah, bien sûr, j'ai compris, hein. Et c'est comme ton amant qui t'attend à côté. Ah oui, mais ça, c'est vrai, il est là. Tu veux le voir? Voir ton amant? Ah oui, comment? Montre-moi ton amant. Allez, amen, amen, amen, amen, amen. Tu vas venir, Robert? Qu'est-ce que je te disais? Oh, et tais-toi, toi. Je te présente des amis, Brigitte et son mari. Oh, bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme ça, monsieur, vous êtes l'amant de Jacqueline? Mais naturellement. Naturellement, tu dis. Et pas ben, tu trouves ça épatant, hein? Épatant. Et d'ailleurs, il est tout à fait normal que j'en trouve ça très bien, puisqu'il a une maîtresse. Ben oui, bien sûr. Aussi. Ah non, mais ça, c'est pas possible, vous allez pas me faire ça, là. Hein? Non, attention, ouais. Elle est vraie, celle-là. Ouais. Tu veux la voir? Ah oui, comment mon frère? Amen, amen, amen. Comme ça, je connaîtrai toute la famille. Vous voulez bien, mademoiselle? Madame. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'elle gros me souffle? Oui, oui, t'as encore rien compris, toi, tais-toi. C'est la vérité. Tais-toi. Alors, permets-moi de te présenter. mais non, c'est inutile. Je sais qui est la mademoiselle, ouais, je le sais. Vous êtes sa maîtresse, c'est bien ça, hein? Ah oui, monsieur, c'est bien ça. Ah oui, monsieur, c'est bien ça. Alors écoutez, j'en peux plus l'arrêter, mes enfants. Arrêtez votre numéro, c'est très au point, mais il va quand même un petit peu loin. Hé, je suis pas aussi un que j'en ai l'air. C'est la vérité. Ah, mais écoute, arrête avec ta vérité, toi. Mais que je puisse te croire quand tu racontes des âneries pareilles, hein? Mais tu mens presque aussi bien que là. Il fallait ça pour que tu marches. Sans rancune. Et sans rancune, Jean. Bon, ben alors, je vous laisse, hein. Toi avec ton... Et toi avec ta... Et toi t'emmènes ta... Voilà, c'est ça. Bon, alors, mes hommages à la maîtresse. Bonsoir, monsieur. Et... Mes respects là-bas, hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Bébé, explique-moi, j'ai pas compris. Oui, d'accord, c'est ça, je vais t'expliquer. Lina, explique-lui, mais t'en as pour un moment. Alors... Allez, salut, bande de petits masochistes. Il est marrant, mon copain. Hein? Ah oui. En tout cas, merci de m'avoir sorti de ce guépier. Je ne pouvais pas faire autrement. Et pourquoi? Parce que si j'avais dit la vérité, j'aurais eu l'air de quoi? Ah, ça, évidemment. C'est pour ça que j'ai préféré mentir. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Où en étions-nous? Eh bien, Robert te disait que lui et moi... Ah oui, c'est ça. Vous êtes toujours décidé à épouser ma femme? Mais naturellement. Je ne vois pas qui pourrait l'en empêcher. Moi? Comme ça, tu pourras te remarier avec elle. Oh oui, Jean, je serais ravie. Oui, mais je voudrais quand même savoir dans quelles mains, toi, tu vas te retrouver. Mais dans les miennes. En toute sécurité. Mais je n'en doute pas. Mais vous ne savez peut-être pas, monsieur, que ma femme est très dépensière, qu'elle a des goûts de luxe, qu'elle jette l'argent par les fenêtres. Mais ça fait partie de son charme. Oh, comme c'est vrai. Vous êtes peut-être disposé à satisfaire ses caprices, mais est-ce que vous en aurez les moyens? Ah, mais moi, je travaille. Je pourrais apporter mes ressources à mon nouveau ménage. Je n'avais pas pensé à ça. Non seulement vous me prenez ma femme, mais vous me prenez ses revenus avec. Ah, parce que vous les lui preniez? Oui, oui, il a beaucoup de frais. Oui, ma maîtresse me coûte très cher. Oh, bah j'espère que vous ne le croyez pas. Bien sûr que non. Oui. Bon, soyons sérieux. J'aurais quand même avoir quelques précisions sur vos possibilités. Mais puisque tu y tiens, je crois qu'il vaut mieux que vous voyez ça entre vous. Je crois, oui. J'espère que tu seras à la hauteur. Bah, ça, pour être à la hauteur, il l'est déjà. Hein. Venez, mademoiselle. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez appris à parler français sans aucun accent. Écoutez, hein? C'est très simple. J'ai toujours habité Paris. Oui, oui. Monsieur. Oui. Asseyez-vous. Oh, je vous remercie, vous êtes très aimable, mais je préfère rester debout. Non, non, asseyez-vous, je suis obligé de monter sur une chaise. Si vous insistez, pardon. Bon, monsieur, est-ce que vous avez déjà été marié? Ah non, jamais. Alors, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d'apprendre brusquement que votre femme a un amant? Non, ça, je ne le peux pas. Eh bien, c'est très désagréable. Je m'en doute, monsieur. Quoi qu'il en soit, je continue à considérer ma femme comme tout à fait exceptionnelle. Ah là, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle l'est. Dans le fond, nous avons un point commun. Ah oui, lequel? Ma femme. Ah oui, elle est si séduisante, ouais, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'avez pas pu vous empêcher de la draguer dans une parfumerie. Eh bien, c'est-à-dire que... Franchement, entre hommes, vous trouvez que c'est beau, ça? C'est-à-dire que... Eh oui, c'est pas joli, joli. Oui, mais lorsque je me suis aperçu que ce n'était pas... Correct. C'est ça? Et même pas très propre. C'est ça? C'est ça. Oui. Il était trop tard. C'est ça? C'est ça. Mais si vous aviez été quelqu'un de bien, vous auriez dû y penser avant. C'est ça? C'est ça. Donc, vous reconnaissez vous-même que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, vous comprendrez facilement que j'hésite à laisser partir ma femme avec quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien. C'est pas ça? Si, c'est ça. Si vous étiez le mari, quelle serait votre réaction vis-à-vis de l'amant de votre femme? Mais je ne sais pas, c'est assez difficile à imaginer tout de même, ça. Vous allez comprendre. Oui. Déshabillez-vous. Comment? Je dis déshabillez-vous. Non, mais... Non, non, j'insiste. Non, mais... Enfin, je veux dire, donnez-moi votre blazer. Mon blazer? Voilà, et mettez ça. Vous y tenez vraiment? Absolument. Eh bien, alors, dans ces conditions-là, allons-y carrément, pardon. Voilà. Voilà. Voilà. Alors, imaginez que vous êtes le mari. De qui? De ma femme, puisque vous avez mon costume. Et moi, je suis l'amant, puisque j'ai le vôtre. Ah oui, ça y est, j'y suis. Oui, oui, oui, d'accord, oui, d'accord. Alors, si quelqu'un vous disait, comme ça, de but en blanc, d'entrer, en parlant de moi, tenez, voilà l'amant de votre femme. Qu'est-ce que vous diriez comme ça, de but en blanc? De but en blanc? Oui, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que vous n'avez pas un très bon tailleur, oui. Est-ce que vous trouvez que le vôtre est meilleur? En effet, à mon avis, ils ont dû se tromper dans les mesures. Oui. Tout est une question de présentation. Entre nous, ma femme sort de mes bras pour tomber dans les vôtres, ou c'est l'inverse. Qui est trompé par qui? Moi par vous ou vous par moi? Oh, mais dites donc, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de me bluffer, là. Mais non, je suis logique. Nous sommes tous les deux trompés par ma femme. Et quand vous l'épouserez... Mais je ne veux pas l'épouser. Ah, alors là, je préfère ça, parce que voyez-vous... Je préfère partager ma femme avec vous plutôt que de la perdre. Vous voyez, je ne bluffe pas non plus. Mais écoutez-moi, je ne suis même pas son amant. Comment? Elle me l'a dit là tout à l'heure devant vous. Mais il fallait bien qu'elle ait l'air d'avoir un amant puisque vous avez une maîtresse. Ah oui, c'est ça. Elle va chez vous faire un gin rami et vous venez chez moi le soir quand j'ai le dos tourné pour faire la revanche. Et vous me prenez pour un... pour un imbécile. Mais mon cher ami, les femmes adorent se laisser faire la cour, mais elles ne cèdent pas pour autant. Bon, là, c'est vous qui bluffez. Ça me servirait à quoi? Alors, vraiment, vous n'êtes pas son amant? Je vous le jure. Vous avez ma parole d'honneur. Ah, alors, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Ah, pardon. Quand on réfléchit bien, dans le fond, oui. Vous êtes un mâle pour un bien. Ah, pour vous, sûrement. Eh bien, vous voyez, maintenant, je vous trouve très sympathique. C'est réciproque. Tiens, est-ce que vous permettez que je te tutoie? Je t'en prie. Tiens, je vais aller plus loin. On s'embrasse. Au point où nous en sommes, allons-y. Alors, descends d'un étage. Oui, d'accord, je continue. Petite Croyez-moi, le mari et l'amant dans les bras l'un de l'autre, profitez-en, vous ne verrez pas ça souvent. Hein. Faites là. On se mettait dans la peau l'un de l'autre, moi dans celle de ton amant. Et moi dans celle de ton mari. Alors tu es rassuré sur mon sort? Ah oui, tout à fait. Depuis qu'il m'a dit qu'il cotisait à la caisse des cadres et quand on voit ce que c'est devenu, je sais que tu te prépares une belle retraite dorée à la soupe populaire. Quoi qu'il en soit, je le trouve très présentable. Eh bien, je suis ravi qu'il te plaise. Oui, d'ailleurs, si j'étais une femme, j'épouserais moi. Tu veux pas m'épouser? Oh, bah non. Bon, allez, soyons sérieux. Allez. Allez, je te rends mon par-dessus. Et toi, rends-moi ton caraco. Voilà. Voilà. Et à toi, est-ce oui. qu'elle te convient? Ah oui, si tu ne l'avais pas choisi tout seul, je te l'aurais trouvé, elle est charmante. Ben tu vois, il me disait exactement la même chose de toi tout à l'heure. C'est vrai? Oui, et même plus, et en mieux. Oh. Dans le fond, cette petite soirée n'aura pas été inutile. Mm-hmm. Je le connais, tu la connais. Et pour faire plus ample connaissance, je me demande... Ah hein, oui, t'as raison, ça serait intéressant. De vivre oui. pendant quelques temps ensemble. Tu te rends compte? Oui. Toi avec deux hommes. Et toi avec deux femmes. Ah oui. Ah. Comme ça, les voisins, au lieu de jaser sur vous deux, ils jaseront sur nous quatre. Ça fera plus moderne. Bon, est-ce que tu es d'accord pour venir dîner demain? Oui. Oui, volontiers, Jean. Bah, alors, je pars avec toi. Comment? Non, je veux dire, je vais l'accompagner à un taxi parce que, en ce moment, avec tous les. Hein? Au revoir, allez. Au revoir. Au revoir. Tu sais, il ne faut pas croire tout ce que je t'ai demandé de lui dire. Quoi donc? Par exemple, que je voulais t'épouser. Ah, mais si tu veux, moi je suis d'accord. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je ne quitterai pas. Ah, pourtant il t'a trompé. Oui, mais je ne peux pas lui en vouloir parce que finalement, s'il m'a trompé, c'est à cause de toi. Pour se venger, quoi? Oui. Mais pour se venger pour rien. Voilà. C'est bien dommage. Pourquoi? Que toi, tu ne veuilles pas te venger pour quelque chose. Comment? Je t'attendrai chez moi demain à 5 heures. Ah non, alors ça, je te dis tout de suite non. Bon, bon, comme tu voudras. Enfin, je veux dire que je n'y serai peut-être pas à 5 heures, juste. Oh. Voilà. T'es encore là, toi? Oui, j'étais en train de réfléchir et je me disais, j'aurais très bien pu la raccompagner, moi. Ah non, non, non, je veux pas que tu trompes ma femme avec ma maîtresse. Hein. Alors, c'est d'accord? Tu viens dîner demain? Demain, non, non, demain je ne peux pas. Je suis pris toute la soirée à partir de ça. Bah alors, viens après-demain. Après-demain, oui. Enfin, ça dépendra de mon rendez-vous de demain. Eh ben, je te ferai des glenous. Oh, bah, t'es bien gentil. Alors, écoute, non, je préfère vous emmener au restaurant. Bah, je te ferai des moules. À demain! Au revoir. Allez, au revoir. Il est marrant. Oui, pourquoi? Il a voulu me faire croire qu'il n'était pas ton amant. Non, tu l'as cru? Ben évidemment non. Et s'il t'avait dit la vérité? Mais je sais très bien que tu es sa maîtresse. Ben, puisque c'est ça, je serai peut-être demain à partir de 5 heures. Bon, sûrement pas, il est pas libre demain. Ah ben oui, mais avec moi. Tu bluffes? Devine. Alors attends une minute. Non, qu'est-ce que tu fais là? Devine. Hein? Je veux pas prendre de risques. Ah. Allô? Allô Air France? Les réservations? Vous avez encore des avions pour ce soir? Ah, il vous en reste un. Alors vous retenez deux places pour monsieur et madame Bellman. Pour où? Ça m'est égal, n'importe où. Hein? Voilà, vous avez trouvé. C'est pour un voyage de noces. Alors, c'est pour où? Clermont-Ferrand? Oh, non. Qu'est-ce que tu vas être content? Hein? Tu te rends compte? Oui. Maintenant, tu vas voir la mer.